first time. I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et comme vous avez pu entendre, la CKIA est protégée contre les virus. Et oui, on utilise, Puissance Maximale, on utilise beaucoup l'ordinateur pour la mise en onde. Et comme vous avez pu entendre, l'antivirus de CKIA s'est mis à jour. Alors, on est protégé. Notre collaborateur, M. Pierre-Luc Pelletier, va être content d'entendre ça. Maintenant, on peut dire que notre émission est 100% protégée pour vos oreilles. Aucun risque de contamination de virus ou quoi que ce soit. Et voilà. Et tout ça grâce à celui qui a remis le son sur l'antivirus et les updates. Et mon à moi et Michael Michaud, votre animateur à Puissance Maximale. Je vous présente M. Andrew Castegan à la mise en onde des chroniqueurs. Salut Andrew. Bonjour M. Michaud. Ça va bien? C'est le fun quand on a une souris qui clique aussi. Ah oui, on avait un problème de souris, c'est réglé maintenant. Et là, écoutez, on n'arrête pas là, des spéciales de 2 heures. Un autre, mesdames et messieurs, cette semaine, en remplacement de M. François Gécouillard au Cirque Aquatique Magique, là, qui est supposé nous suivre à 19h. Ben, on prend sa place encore cette semaine. François avait un empêchement. Merci François quand même de nous prévenir et de nous permettre de faire un 2 heures de ludique là, pour les auditeurs de CKIA. C'est ceux qu'on aime. Effectivement, on vous aime et on vous aime tellement qu'on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos émissions, podcasts et autres goodies et des nouvelles aussi qui sont sorties cette semaine dont on va parler tantôt. Vous pouvez aller sur Facebook, taper Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver facilement. Allez appuyer sur le bouton « J'aime » parce que nous, on vous aime. Comme ça, vous pouvez suivre aussi toutes les mises à jour sur le site et les mises en ligne de nos émissions. Également, au ckiafm.org pour aller vous renseigner sur ce qui s'en vient, les shows bénéfices qui s'en viennent, entre autres, à la Ninkasi et au bar L'Agité, ici à Québec. Pour aller voir différents shows. Là. Donc, ce vendredi, il va y avoir un 5 à 7 Folk Country avec Damn the Luck et Tamara en première partie. Et d'autres shows qui s'en viennent le 19 et 26 également à la Ninkasi. Et un show le 21 octobre qui s'en vient dans le cadre du Radioton. Qui est un gros événement qui s'en vient à CKIA. Donc, Puissance Maximale va faire partie pour, entre autres, là, une animation tôt, très, très, très tôt le matin. J'ai hâte de faire ça. Donc, on va vous parler aujourd'hui spécial SN. Donc, on parle ici d'une rencontre de jeux de plateau, jeux de société avec notre collaboratrice, Madame Chantal Campagna, alias Fräulein Evil. On va lui parler tout de suite, tantôt après la première chanson. On va vous parler, entre autres, du DLC Heartfire de Skyrim qu'on a pu essayer, moi et Andrew. En tout cas, moi plus qu'Andrew. Andrew, tu vas nous parler de 2 jeux également. Oui, je vais parler possiblement jeu de l'année, Dishonored, qui est sorti à ce point-là? Mardi. Je vous dirais, je me suis pas rendu ben loin. Oui, mais à date, j'aime qu'est-ce que j'ai vu et tué. Excellent. Et l'autre jeu dont tu vas nous parler? Un petit indie game gratuit qui est sur Internet que j'ai tombé dessus par pur hasard. Par chose à savoir, quand je m'ennuie, je navigue sur YouTube et par hasard, j'ai tombé sur un Let's Play au jeu Octodad. Excellent. Donc, on va vous parler de ça. Il y a Chantal qui s'en vient et, bien évidemment, des nouvelles ludiques et de la très bonne musique. Et on commence avec quelle chanson, Andrew? Une chanson de Anonymous. Oh yes, Anonymous. Prosternez-vous. Un excellent classique du métal québécois. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson d'Anonymous et Prosternez-vous. Et on s'en va au téléphone avec Madame Chantal Campagna alias Fräulein Evil de Distribution Doute pour nous parler jeu de plateau, jeu de société. Comment ça va, Chantal? Ah, ça va super bien. Merci beaucoup. Et vous-même à Québec? Ça va bien. Il fait froid un peu, c'est venteux, mais moi, j'aime ça. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. C'est clair que c'est super agréable. Mais pour nous, on a un petit plus parce que pour nous, l'automne, c'est le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, qu'est-ce que c'est? C'est la foire de jeux de SN. Oh oui! Donc, cette foire-là, c'est la plus grosse foire de jeux qui se passe pendant l'année. Tous les éditeurs européens s'y retrouvent, les Français, les Allemands, les Polonais, les Russes. Et évidemment, il y a toujours les petits Québécois de Distribution d'Hôte qui vont voir et qui vont jouer à des jeux et passer une semaine à boire de la bonne bière de l'Allemagne et à jouer. Alors, cette semaine, on va parler de ce qu'on va découvrir pour vous, ASN. Excellent. On va commencer avec un jeu qui s'appelle Wiracocha, la voix du serpent à plumes. En fait, Wiracocha, la voix du serpent à plumes, c'est une extension pour le jeu Wiracocha qui était sorti l'an passé à ASN. C'est un éditeur belge qui s'appelle Sit Down qui nous l'avait offert. Lui, il avait fait équipe avec un auteur de la Bretagne qui était vraiment génial, qui a un nom absolument imprononçable. Mais essentiellement, Wiracocha, c'est un jeu d'exploration un peu à la steampunk où on allait dans la vallée de Wiracocha pour essayer de voler les ressources aux indigènes pour les rapporter à l'impératrice Victoria. Il y avait trois façons de gagner. C'est un jeu de gestion de dés et disons qu'il y a très peu de camaraderie entre les joueurs parce qu'une des façons de gagner, évidemment, c'est d'aller voler les ressources aux autres joueurs au lieu de travailler pour les avoir. Dans la voie du serpent à plumes, on va retrouver des nouveaux personnages. Donc, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits. Il va y avoir le colon, il va y avoir le patrouilleur qui va pouvoir nous aider. Et il va aussi y avoir des inventions améliorées. Il y a des nouvelles tuiles de jungle. Et il va aussi y avoir moyen de faire un pacte avec Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui, lui, est dans la vallée de Wiracocha. Il va s'allier avec le joueur le plus faible pour finalement pouvoir cochonner encore plus les autres joueurs. Donc, un petit peu de magie là-dedans. Ça va rajouter un petit peu de vie au jeu et ça va le changer suffisamment pour vraiment avoir l'impression de jouer à quelque chose de nouveau. Pour les fans du jeu, ça va être absolument merveilleux. Bref, une belle addition au jeu Wiracocha. Et autre jeu dont tu veux nous parler, Room 25. Pardon? Autre jeu dont tu veux nous parler, et c'est le jeu Room 25. Oui, Room 25. Ça, c'est un jeu de Matago. Alors, Matago, eux, ils commencent à être vraiment reconnus pour la qualité du matériel de leur jeu. C'est eux, entre autres, qui nous avaient offert Cyclades, le super jeu où on se bat contre... qu'on se fait attaquer un peu de façon chaotique par les dieux. On devient vraiment des marionnettes pour eux. Et c'est vraiment de toute beauté. Ils sont vraiment les spécialistes des jeux avec un matériel superbe et aussi très, très... je dirais pas coopératif, mais où l'interaction entre les joueurs est vraiment forte. Avec Room 25, ils font une parodie d'émission de télé. Donc, c'est dans un futur proche et c'est un jeu télévisé qui s'appelle Room 25. Et là, on prend une gang de candidats un peu à la occupation double et on les enferme dans un complexe qui a 25 salles qui bougent. Et dans les salles, évidemment, il y a des pièges, parfois mortels. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de se rendre tout ensemble à la chambre numéro 25, la fameuse Room 25, pour être capable de s'échapper. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il va y avoir vraiment 5 modes de jeu qui sont proposés selon le nombre de joueurs Et selon aussi comment on se sent. Si on se sent un peu coquin, on peut jouer suspicion pour 4 à 6 joueurs. Si on se sent un peu soupaulé, on peut jouer coopération pour 2 à 6 joueurs. Si on se sent un peu seul, on peut jouer solo, alors c'est seulement pour un joueur. On peut jouer par équipe ou on peut jouer aussi compétition pour 2 à 3 joueurs. Donc, le jeu ne sera jamais pareil. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements parce que la configuration bouge, mais vraiment tout le temps. Ah, je trouve ça intéressant quand même qu'il y ait un mode solo à ce genre de jeu-là. Oui, je trouve ça intéressant aussi. Non, je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment le fun. Matago, de toute façon, sont vraiment reconnus pour la qualité de leur jeu. Ils vont pas sortir des jeux juste pour sortir des nouveautés. Leurs jeux sont toujours aboutis, sont toujours complets. J'ai vraiment hâte de le voir. En ça, on aime ça beaucoup, la puissance maximale des jeux qui sortent et qui sont aboutis. Si tu réussis à tester le mode solo de Room 25, tu nous en reparleras, Chantal, ça m'intrigue beaucoup. Ben, c'est sûr. Autre jeu, le jeu Talouva. Talouva. Ben, Talouva, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est une nouveauté qui va paraître en français. C'est un jeu qui était sorti en 2007. Il avait gagné des prix. Il avait gagné le prix du jeu de l'année en France, entre autres, en 2007. Donc, en fait, c'est très, très facile, ce jeu-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des villages. Donc, on est dans une jungle. On va défricher, on va construire des huttes, éventuellement des temples, éventuellement des tours aussi. Ce qui est intéressant et ce qui change un peu, finalement, des jeux de tuiles à la Carcassonne, parce que ça devient, on joue une tuile, on place un village. On peut construire en hauteur et en construisant en hauteur, évidemment, à l'européenne, on va tout détruire ce qu'il y a en dessous. Un peu comme les villes romaines maintenant, les villes italiennes où ils ont construit sur finalement les villes médiévales. Mm-hmm. Puis quand on fait des fouilles archéologiques, c'est extraordinaire ce qu'on retrouve. C'est un peu le même principe. Okay. Donc, ça nous permet d'écraser les huttes des autres joueurs en faisant nos agrandissements. On peut aussi écraser nos propres huttes quand on le veut. C'est un jeu quand même qui est d'une simplicité absolument désarmante parce qu'à mon tour, je pioche une tuile et je la pose et puis je place ensuite un ou plusieurs bâtiments. Et quand j'ai épuisé deux types de bâtiments avant mes adversaires, j'ai gagné la partie. Par contre, si je ne peux plus placer de bâtiments, j'ai perdu. Donc vraiment, très, très simple. Les amateurs de jeux l'ont déjà probablement joué. Il a été disponible en anglais pendant plusieurs années. Mais c'est la première édition en français et c'est Fertu qui nous le fait. Fertu qui commence à se diversifier un peu, qui sort des jeux en bois et s'aventure un peu dans le monde du jeu de plateau. Excellent. Tu parlais d'un jeu simple, mais est-ce que cette simplicité-là fait que c'est un jeu de court? De la façon dont tu parles, ça a l'air d'être des parties qui peuvent être assez rapides? C'est des parties qui sont quand même assez rapides. Je dirais que ça dure environ 30 minutes. Le jeu est très, très simple. La pose des tuiles me permet d'étendre le plateau de jeu et ou de lui donner de la hauteur. Donc, vraiment, là, je vais faire de l'expansion en trois dimensions et c'est ça qui est vraiment le fun. Ça fait des plateaux qui sont vraiment superbes. Après ça, quand je construis, contrairement à Carcassonne, je vais pouvoir construire n'importe où sur le plateau. Donc, je peux poser une hutte sur une case libre, mais pas nécessairement celle que je viens de poser. Je peux étendre un village, je peux poser un temple, je peux construire une tour. Donc, j'ai quand même des options, mais c'est un jeu qui est très, très simple au niveau des actions. Donc, c'est vraiment excessivement accessible au grand public. Excellent. Oh, passons à un autre jeu, le jeu Carnag. Carnag, ça c'est un jeu qui m'intrigue. Alors Carnag, ça se passe dans le temps des druides. Il va avoir, moi ce que j'ai aimé en fait quand j'ai lu les règles, j'ai très très accroché sur la phase de créature. Moi, Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on est des druides et on essaye de contenir les invasions venues du tréfonds, évidemment, ce sont des créatures qui essayent de nous envahir. Donc, on va faire de la magie. Et on va essayer donc, dans les actions, en fait, on peut se déplacer, on peut poser des gemmes pour faire des sorts, on peut capturer des créatures, on peut progresser dans nos connaissances, on peut fabriquer des potions magiques, évidemment. Ça m'a fait rire parce que je pense toujours à Obélix. Donc, c'est un jeu de gestion, mais c'est dans un cadre vraiment magique. Les images, elles sont magnifiques. Encore une fois, c'est Sid Down qui nous apporte ça et son illustrateur, si je me trompe pas, c'est Yuho. C'est lui qui a fait les illustrations pour Zombie in My Pocket, entre autres. Ce gars-là est génial. Il est vraiment polyvalent. Il fait n'importe quoi et c'est de toute beauté. Donc, quand on va résoudre les actions, on va vraiment les résoudre cube par cube, de gauche à droite. Et après ça, on peut activer des gemmes. C'est vraiment superbe. Et la partie s'arrête après 5 ou 6 tours, selon le nombre de joueurs. Donc, on n'a vraiment pas le choix. Il faut déménager. Et en plus des points de victoire qui sont accumulés pendant la partie, on va prendre en compte aussi les gemmes qui sont restées sur le plateau parce qu'on a plein de gemmes là-dedans. J'adore les jeux où il y a des diamants, c'est vraiment superbe. Et on a des cartes pouvoir qui peut-être vont nous rester en main, ça aussi, ça va nous donner des points de victoire. Excellent. Là, tu parlais c'est toujours la question de la durée des parties. Là, tu nous parles de quelques tours. Est-ce que les tours sont longs? Ben non, Carnage, c'est cartable. Carnage, c'est quand même un jeu qui va durer au moins 1h30. Okay. C'est un jeu quand même assez viandu, là, comme j'aime dire. C'est pas un jeu d'entrée de zone, mais je pense que les amateurs vont bien aimer. Excellent. Autre jeu dont tu veux nous parler, Gingopolis. Gingopolis, ça, c'est un jeu de Pearl Games. Pearl Games nous avait habitués à un graphique extrêmement médiéval, super simpliste. Il s'était vraiment spécialisé avec Troyes, avec Tournée. Et là, avec Gingopolis, ils nous propulsent dans le futur. Ils ont changé d'illustrateur. Le look est complètement différent. Donc, du coup, on regarde ça, puis on fait « Mais qu'est-ce que c'est? » Et c'est un jeu qui est absolument superbe, avec un look très, très futuriste à la Metropolis. Donc, dans Gingopolis, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'urbanisation. On essaie de développer des quartiers et de faire des constructions. Mais ça a une petite injection de deck building. Donc, à mon tour, je vais choisir dans ma main, j'ai 4 cartes d'action. Je vais choisir l'action que je vais faire à ce tour-là et je vais la jouer. Et ensuite, les cartes qu'il me reste, je vais les passer à mon voisin. Donc, des fois, j'ai à choisir entre faire une action qui m'avantage, mais laisser dans ma main une action qui va encore plus avantager mon voisin. Donc, le choix est toujours déchirant et l'interaction entre les joueurs est énorme parce qu'on ne veut pas trop avantager notre voisin tout le temps. Donc, des fois, on choisit des actions qu'on ne veut pas vraiment faire. C'est vraiment superbe. Ah, excellent. Ça aussi, il faut vraiment que je m'y remette au jeu de plateau. À chaque fois que je parle avec Chantal, j'ai toujours ce petit regret-là de pas jouer plus souvent. Il faut vraiment que je m'y remette. Juste entendre ça, c'est... Non, tout à fait. Et on y va avec un autre jeu de Pearl Games, les Dames de Troie. Toi, tu connais... Ben, les Dames de Troie, en fait, c'est très, très simple. C'est une petite extension pour Troyes, finalement, pour ça. Et ce que ça rajoute, en fait, j'appelle ça l'extension Popoun, là. C'est tout simplement, c'est parce que les nouveaux personnages qui vont être présentés dans le jeu, ce sont les Dames de Troie. Donc, on va avoir... je vais juste trouver mes notes. Alors, dans l'extension, il y a 3 nouveaux personnages et ce sont des personnages féminins. C'est intéressant parce que dans Troyes, les personnages sont tous masculins. Mais faut se rappeler que ça reflète beaucoup l'époque, n'est-ce pas? Parce que ça se passe dans les années 800. Mais dans les années 800, il y avait quand même des femmes qui étaient là. Donc, ça rajoute des nouvelles actions qui vont nous permettre de déplacer nos joueurs le long des remparts. Et on va se voir renforcer. Chaque joueur va recevoir un nouveau dé qui va symboliser, en fait, qui va être relié à leur famille. Ce dé-là va pouvoir être considéré à chaque tour de la couleur qui nous arrange. Donc, ça va être quand même quelque chose qui va nous apporter des avantages. Ça va, si on veut axer nos priorités sur le clergé, sur les artisans, etc. Donc, ils vont aussi nous donner 27 nouvelles cartes activités, 6 nouvelles cartes événements. Donc, c'est une extension. Ça va renouveler le jeu de façon suffisante pour que les gens qui y ont beaucoup joué puis qui l'avaient laissé un peu de côté aient le goût de reprendre le jeu. Puis évidemment, ben, pour les nouveaux joueurs, ils n'ont pas besoin vraiment de l'extension. Mais toutes les composantes de l'extension, donc le nouveau les nouveaux personnages, le nouveau dé, sont pas obligés de tout être joué en même temps. Donc, on peut vraiment moduler ce qu'on veut. Ah, tiens, aujourd'hui, on joue avec le nouveau dé. Ah, tiens, aujourd'hui, on va mettre les 3 nouveaux personnages. Comme ça, ça permet de pas rajouter trop de règles en même temps pour ceux qui jouent pour une première fois. Excellent. Mais une belle addition, finalement, à ce jeu-là, les Dames de Troie. Et, oui. Oh, on va parler d'une autre expansion, cette fois du jeu Yggdrasil, et on parle de l'expansion Asgard. Ah, l'extension Asgard! Bon, Yggdrasil, on en a déjà parlé à l'émission, c'est un jeu coopératif pour 6 joueurs qui se passe dans l'univers de la mythologie nordique. Et c'est vraiment superbe. Les joueurs prennent le rôle des dieux qui sont gentils, qui essayent de défendre Yggdrasil, l'arbre de vie, contre les attaques des dieux qui sont plus méchants. Asgard, ce que ça fait, c'est que ça va introduire des nouveaux dieux. Et tous les dieux, en fait, parce que maintenant, on va pouvoir choisir parmi 12 personnages, vont pouvoir avoir leur pouvoir seulement pour eux, ou ils peuvent être en transe, et à ce moment-là, tous les autres dieux vont pouvoir utiliser leur pouvoir pendant tant que le dieu reste en transe. Donc, ça rajoute, finalement, c'est presque des changements de personnalité pour les joueurs. Donc, on va vraiment pouvoir combiner les pouvoirs spéciaux encore plus efficacement pour se porter à la défense de l'arbre-monde de Yggdrasil. Ah, j'avoue que ce genre d'addition-là dans un jeu, ça vient vraiment changer nos stratégies, qu'on peut acquérir ce genre de pouvoirs spéciaux-là, peu importe le personnage qu'on a, là, ça vient changer la donne, effectivement, lors des parties. Ah, c'est sûr. J'ai aussi très, très hâte de voir les 6 nouveaux personnages, les 6 nouveaux pouvoirs. Yggdrasil est un jeu qu'on peut jouer 50 fois, puis encore apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment génial. Excellent. Autre jeu qui s'en vient, cette fois d'un autre éditeur, White Goblin Games, et le jeu s'appelle Sakara. Sakara. Bon, je dois avouer que White Goblin Games, c'est une compagnie polonaise, puis eux autres, vraiment, ils sont la mecque le plus ultra. Ils sortent des jeux vraiment extraordinaires à chaque année. Cette année, ils en présentent 8. Je les ai pas toutes sélectionnées parce que 8, je commence à trouver que c'est un peu trop. Mais Sakara, ça m'accroche parce que j'ai toujours aimé l'histoire de l'Égypte ancienne, et Sakara, ben, c'est quand même un endroit en Égypte qui est quand même assez connu. Sakara, c'est un jeu de gestion. Et c'est un jeu qui va se révéler être un petit peu plus pesant que je pense habituellement. Alors, dans ce jeu-là, on va incarner un monarque et on va être le gouvernement d'une des provinces d'Égypte, et c'est en 21-25 avant Jésus-Christ. L'Égypte est complètement chaotique. C'est la 8e dynastie d'Égypte. C'est une période de chaos, et le pharaon vient de se faire renverser. Il y a des troubles, et vous, ce que vous essayez de faire, c'est d'accroître votre puissance pour devenir le chef, le calife, le pharaon à la place du pharaon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 6 ans pour devenir le big boss de l'Égypte, et on va essayer d'avancer sur le Nil en construisant des pyramides. Maintenant, chaque tour est divisé en 4 phases, mais il ne faut pas se laisser prendre par « Ah, oh, c'est facile, j'ai juste 4 affaires à faire », parce que chaque phase va vraiment être divisée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. La phase du marché, il va y avoir des enchères qui peuvent se révéler un peu compliquées. La phase de production, on va essayer d'aller chercher des nouvelles marchandises. Ensuite, il va y avoir la phase de construction, la phase de développement, où on va essayer de construire des pyramides. Mais évidemment, les autres joueurs vont pas nous aider dans tout ça. Et à la fin, le jeu va prendre fin à la fin de la 6e année. On va calculer des points, et chaque point d'avancée sur le Nil va nous donner un point. Puis ensuite, on va gagner aussi des points pour les ouvriers. Donc, on parle d'un jeu assez musclé, 2 heures de jeu, ben, des petits cubes là-dedans. Ça va être génial. Hein, c'est bon, j'aime le contexte et j'aime l'image de... Ah oui, il est vraiment très, très beau. Il y a plus que 150 pitounes dans la boîte. Et là, quand je dis des pitounes, je ne parle pas des dames de Saqqara, mais je parle bien des petits cubes. Donc, il y a du bois, il y a de l'or, il y a des terrains, il y a du poisson, il y a du lin. Ça va être superbe. Il ne faut pas amener notre petit garçon d'un an jouer avec ça parce qu'on va perdre des morceaux. Non, pour faire attention. Non, je pense pas qu'il... non. Excellent. Autre jeu de White Goblin Games, Call to Glory. Call to Glory, en fait, je l'ai sélectionné parce que c'est un Michael Satch. Et Michael Satch, j'aime toujours ce qu'il fait. Ses jeux sont toujours chiens, mais en fait, ils sont super simples. On se souvient de Zoloretto, c'est super chien. Et là, ça va être un jeu de cartes et la prémisse est extrêmement simple. On va collectionner des cartes de personnages de différentes valeurs. Quand on possède assez de cartes de même valeur, on peut les jouer devant nous. À la fin de la manche, les cartes posées vont nous permettre de marquer des points. Par contre, si notre adversaire pose après nous plus de cartes de cette valeur-là, on va toutes perdre les cartes de notre valeur. Donc, on a zéro avantage à jouer en premier, mais à un moment donné, il faut jouer des cartes. Donc, c'est encore une fois là, une mécanique super simple à la Hansa, mais en même temps qui est super chienne. Jeu de chance, mais quand même de stratégie, de réflexion. Non, c'est un jeu qui est un peu comme Shotin' Totin, qu'on regarde puis qu'on fait, mais mon Dieu, c'est donc bien simple. Pourquoi c'est bon ce jeu? Et on le joue et on fait « Oh, wow! » Mais c'est donc bien niaiseux et bon, ce jeu. C'est ça. C'est vraiment, c'est le génie de ces gars-là. Les Michael Satch, les Rainer Knizia, ils sont capables de simplifier au maximum un jeu, de l'épurer à mort et de vraiment juste garder les éléments qui sont intéressants. C'est bon. Et dernier jeu dont tu veux nous parler cette semaine, Pyramidion, encore de White Goblin Games. Pyramidion, ça aussi, c'est un petit coup de cœur. C'est parce que j'aime bien. Dans Pyramidion, en fait, on est encore en Égypte. Mais là, on joue un contremaître qui est sur les terrains, OK, de construction. Et puis, on est en charge des ressources pour toutes les constructions qui se passent autour. Parce que, en fait, c'est qu'on est en train de construire la pyramide de Khéops. Et on va être des contremaîtres et on va gérer finalement des pôles de ressources. À mon tour, je vais activer des sites, je vais jouer des cartes pour essayer d'avoir le plus d'influence possible sur les sites. Les contremaîtres vont utiliser leurs contacts chez les marchands, chez les négociateurs, chez les tortureurs aussi, parce qu'on a des ouvriers puis il faut bien les faire travailler. Donc, peut-être qu'il ne sera pas très politiquement correct. Mais en fait, il va peut-être être à la lumière. Il va peut-être nous montrer un peu ce que c'était l'époque. Donc, on va essayer d'utiliser tous nos contacts pour envoyer de la marchandise au bateau dans les villes qui vont ensuite s'en aller vers Giza pour être capable de livrer les marchandises. Donc, on parle d'un gros jeu là, pesant avec full pitoune. C'est vraiment un jeu de gestion. Il y aura pas tellement d'interactions entre les joueurs. On parle d'un jeu plus à la Porto Rico. On est capable de faire des moves de blocage, mais on ne peut pas nuire directement. Okay. Mais enfin, c'est ce que les règles ont l'air, mais on sait pas parce qu'on l'a pas essayé encore. Mais c'est le premier joueur qui réussit à obtenir 10 points de victoire, qui va se tirer avec la victoire et qui va devenir le pharaon. Ah, c'est bon. C'est drôle parce que quand tu décrivais le jeu, j'avais comme envie de faire un parallèle avec la commission Charbonneau, mais sur la construction, mais bon, je vais me retenir. Ben avec la commission Charbonneau, hein, on parle peut-être plus d'un jeu comme Mafia Casino, où on va vraiment essayer de payer les gens pour qu'ils viennent manger dans nos restaurants et rester dans nos hôtels, mais on en parlera à la prochaine émission. Excellent. Puis évidemment, là, quand tu vas nous revenir d'Allemagne, j'espère que tu vas nous faire un petit feedback là, sur les jeux dont tu nous as parlé et que tu auras testé. Certainement qu'on va se faire un petit feedback, ça va me faire plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Chantal Campagnin, d'avoir été là, de Distribution Doud. Toujours plaisant de t'avoir à l'émission, de nous parler de jeux comme ça. Ça me redonne toujours le goût d'aller lancer des dés, d'aller justement jouer avec des pitounes. Ben, ça fait toujours plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Chantal. À la prochaine. OK, bye. Et après cette excellente chronique et costaude chronique de jeux de plateau sur les nouveautés qui s'en viennent à Essen en Allemagne, Andrew, on va y aller en musique. Avec quelle chanson? Un petit classique d'un auteur qu'on aime bien, Brental Floss. On va aller avec Final Fantasy Classic with Lyrics. Et vous entendez ça à CKIA FM 88.3 à Québec, à l'émission Puissance Maximale. Again, the world might fall prey to an ancient evil. Once again, we're hurled into darkness and great upheaval. Those who can enlist, let's unite, and we'll fight together. We must save the crystals or orbs or the moon, whatever. Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et on va vous parler nouvelles ludiques. Et on va commencer par une grosse nouvelle qui est sortie vendredi dernier. On l'avait posté sur le site de Puissance Maximale, mais je voulais aussi en parler en onde. En fait, la nouvelle que M. Dominique Brown, président et fondateur du studio Binox à Québec, a annoncé la semaine dernière qu'il allait... comme se retirer graduellement, prendre moins de temps là, chez Binox dans les prochains mois. Sur sa page Facebook, il avait annoncé qu'après 14 ans de carrière et 12 ans chez Binox, là, sans interruption, il a annoncé qu'aujourd'hui, avec son équipe, là, qu'il réduirait significativement son implication chez Binox, au moins jusqu'à la fin de cette année. Écoutez, c'est une nouvelle qui est quand même... On sait que Binox a quand même beaucoup de succès avec ses jeux, entre autres avec la franchise Spider-Man. Et il y a aussi... En tout cas, ça vient un peu corroborer certaines rumeurs par rapport à des restructurations chez Activision. Écoutez, c'est un... Est-ce qu'on... Des fois, il y a des gens qui pourraient se poser la question, est-ce qu'on est déjà rendu au-delà de l'âge d'or du jeu vidéo à Québec? Je ne croirais pas, parce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres studios comme Frima Studio, là, qui sont vraiment... Moi, je trouve que c'est un... Justement, un petit studio vraiment intéressant, qui ont des projets vraiment dynamiques. Il y a Ubisoft également. Binox, qui fait des excellents jeux avec... alliés avec Activision, mais ça se pourrait effectivement qu'il y ait des restructurations. Malgré cette annonce-là, il y a quand même eu des... Binox a nié le fait qu'il pourrait avoir des coupures, surtout qu'ils sont très occupés ces temps-ci encore, selon eux, là, des confirmations de contrat avec Activision. Mais bref, une grosse nouvelle, surtout pour un promoteur là, de la techno à Québec, là, qui participe au Bivouac Urbain, qui avait aussi, avec son projet de comme de Square Techno dans le quartier Saint-Roch, une mauvaise nouvelle. En tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer chez Binox, là, quelle personne va prendre la relève, ou si c'est effectivement des coupures qui s'en viennent. Mais en tout cas, on souhaite bonne chance quand même à M. Brown pour la suite, en espérant que c'est une pause qu'il fait et qu'il va revenir au gouvernail de sa compagnie, parce que il est quand même fondateur là, de Binox. On espère qu'il va revenir. Au pire, aller s'il prévoit changer de carrière, la grosse mode, c'est en site, c'est les microbrasseries, les restaurants, au pire, aller. Ah, c'est vrai, loin, on le verra dans d'autres projets. Effectivement. Donc, bref, une grosse nouvelle qui est sortie, on verra la suite. C'est vrai que ça peut être un peu inquiétant, là, pour, entre autres, les employés qui ont dû, qui ont su ça en même temps que tout le monde, là. J'avoue que ça peut être un peu stressant quand t'es employé d'une compagnie, puis que le président fait, on va prendre moins de temps, là, puis on va prendre un break. On peut se poser des questions, mais bon, on souhaite bonne chance à tout le monde chez Binox, qui, on sait, est une très bonne compagnie. On a hâte de voir les prochains projets qui s'en viennent. Autre nouvelle, Monsieur Andrew? Oui, un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il y a eu des détails qui ont sorti un peu. Le jeu Injustice, de la compagnie qui fait l'excellent jeu Mortal Kombat. On en a parlé il y a deux émissions, le jeu de combat, mais... L'édition collectionneur, qu'est-ce qui allait venir? En même temps, je vais faire un... Neratum sur qu'est-ce que j'avais dit, la figurine, en fait, ça sera pas exactement la même que qu'est-ce que je vous avais décrit lors du dernier épisode. Nous autres en Amérique, on a le pattern inverse. C'est Wonder Woman qui tient Batman. Ah ouais. Au lieu de Batman qui tient Wonder Woman. Parce qu'on trouvait ça trop non, je machiste, non. J'en ai aucune idée, mais l'édition américaine va avoir tout qu'est-ce que je vous ai parlé, à l'exception de cette petite différence là au niveau là de la figurine, mais je vous dirais que elle a autant de la gueule aussi, fait que c'est pas un problème. On rappelle rapidement que ça va être un jeu de combat avec une esthétique un peu à la Mortal Kombat, très violent, mais avec les personnages de l'univers de DC Comics, donc des super-héros qu'on connaît, entre autres Batman, Superman, Wonder Woman, Green Arrow, Nightwing, bref, il y en a pas mal. Là. Exactement, puis une affaire qu'on avait parlé, c'était le fait que non, il y aura pas de fatalities okay. dans ce jeu-là, mais que la compagnie disait que l'élément important allait être le décor. Et oui. Il donnait plus de détails au niveau de qu'est-ce qu'il voulait dire à ce point de vue-là, en faisant un exemple un peu d'un combat entre Superman et Nightwing. Okay. Je vais vous citer, dans le fond, qu'est-ce que le studio NetherRealm Studio, je cherchais le nom depuis tantôt, disait. C'est « Partout dans l'arène, vous pourrez voir plusieurs objets éparpillés. Ces derniers ne sont pas seulement là pour faire joli, puisqu'ils auront une importance dans le gameplay. Ainsi, s'il y a une voiture dans l'arène et que Nightwing est acculé dans un coin, il pourra se servir du véhicule comme d'un tremplin pour sauter à l'autre bout de l'écran. Superman, tant qu'à lui, est un personnage tout en puissance. » Il pourra ainsi prendre le véhicule et frapper son adversaire avec. Certains stages auront jusqu'à 3 niveaux. Et une des questions qui lui avait été beaucoup demandée, parce qu'il y a un niveau qui se passe dans la Batcave, il répond « Oui, il sera possible d'utiliser les lance-missiles de la Batmobile dans la Batcave. » Solide. J'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu-là. Et dans le fond, c'était Ed Boon là, qui disait ça, qui était un des directeurs... je m'en rappelle pas exactement son poste exact, mais bref, c'est quand même... C'est en fait la tête pensante de NetherRealm Studios. Je l'ai dans l'article. Okay. Il dit « Notre but a été de faire quelque chose de spectaculaire avec la matière excitante. Nous avons simplement voulu célébrer l'expérience super-héros. » Ah, fait qu'attendez-vous un jeu de combat avec tout plein d'abus. De garrochage, d'objets, d'utilisation du décor et de... violence à l'extrême, connaissant NetherRealm. J'ai vu des images, on le répète, allez voir ça. Injustice, Gods Among Us sur YouTube, vous allez voir, c'est assez convaincant. Puis je pense qu'il y a un trailer avec du sang qui est sorti. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a pas mal de trailers. Puis c'est à cause qu'il y a du monde qui avait des doutes en voyant un trailer en disant c'est-tu réellement du in-game ou si c'est une cinématique? Ben ça confirme que c'est du in-game. Donc qu'est-ce que vous allez voir dans les trailers? C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans le jeu? Excellent. Autre nouvelle qui va toucher la politique, mais la politique américaine. Madame Colleen Lackowitz, qui est la candidate démocrate comme sénatrice dans le Maine, qui est pas si loin de nous, il y a un site qui a été créé par les Républicains, donc l'autre parti, hein, parce qu'on vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a pas mal juste deux partis, donc les démocrates et les républicains, qui restent quand même assez à droite de ce qu'on fait ici au Canada et particulièrement au Québec. Mais donc les républicains ont monté un site dénonçant un peu le côté gamer de Madame Lackowitz, et c'est une gameuse de World of Warcraft. Et là, ils ont mis des citations de cette candidate-là, de cette joueuse-là, qui joue une orque assassin, si je me rappelle bien, c'est ce qui avait été marqué sur le site. Et elle aurait dit, et je cite, je vous le dis en français, une traduction rapide, c'est que c'est quand même drôle de penser qu'une candidate démocrate aurait tant de plaisir à se taber du monde dans le dos en jouant les assassins. Évidemment, là, les républicains, souvent une droite morale, se sont servis de cette citation-là hors contexte, et on fait vraiment un site là, pour dénigrer cette candidate-là. Alors, la candidate, en répondant à ça, dit, écoutez, là, il y a 47% de la population des joueurs sur la planète qui sont des femmes, premièrement. Donc, c'est pas parce que je suis une femme que c'est pire ou que je suis bizarre parce que je game. Deuxièmement, vous avez utilisé mes citations hors contexte. Et aussi que c'est une preuve que ce n'est pas que les jeunes garçons adolescents qui vont jouer à ce genre de jeu-là tout seul dans la cave chez leurs parents. Elle-même affirme qu'elle joue avec des médecins, avec des architectes, avec des journalistes. Elle joue avec plein de gens sur ce... Ça reste, on s'entend, là, c'est quand même un réseau, on pourrait dire un réseau social, ce genre de jeu-là. Même si je suis pas un gros fan de MMO, on va courtoyer quand même des gens sur les jeux. Mais c'est un peu ça qu'elle dit. Écoutez, moi, je joue pas à ça des heures et des heures. Je joue un peu parce que, je vous rappelle, je suis en campagne électorale. Et c'est pas mauvais de jouer, là. Ce n'est pas que les... C'est pas des personnes bizarres qui vont gamer, c'est tout le monde, là. N'importe qui peut jouer. Donc, c'est une campagne un peu de salissage, un peu grotesque, la part du Parti républicain, selon moi, bien évidemment. Et je tenais à souligner cette nouvelle-là. Je trouvais ça un peu cocasse, un peu n'importe quoi aussi de la part du Parti républicain de faire ça. Quand c'est rendu que c'est les seuls arguments que t'as, à jouer à World of Warcraft. Ça va peut-être dire que t'as pas vraiment d'argument politique pour empêcher l'élection de cette dame-là. Bref, bravo à Mme Lackowitz de s'être défendue face à ce genre de propos, disons, clairement déplacés. Autre nouvelle, M. Castegan. Oui, ben en fait, une nouvelle qui serait peut-être en lien avec ce que tu viens de parler indirectement. Ah oui? Parce qu'en fait, hier, sur la chaîne France 2, en Europe, il y a eu un reportage, un dossier choc qui a été révélé. Et là, je vous le dis, on vous en parle, là, grimpez pas aux barricades. Il y a eu une étude scientifique qui a été faite à l'Université de Grenoble en collaboration avec l'Université de Hohenheim en Allemagne. J'aime ta prononciation. Wow! Puis une université de l'Ohio qui aurait, supposément, et de façon... Scientifique. Prouver que les jeux vidéo rendent violents. Mm-hmm. Et que ça serait prouvé scientifiquement. Ah oui, tout à fait. Oui, ouais, j'aimerais ça voir leur argument. Moi. En fait, la méthodologie qui a été utilisée pour l'expérimentation, c'est qu'ils ont pris 70 étudiants de sexe masculin et féminin. Et dans le fond, ils ont fait jouer à chaque jour pendant 3 jours à des jeux vidéo violents pour certains, des jeux vidéo non violents pour d'autres. Et après ça, ils ont pas de passer des questionnaires, dans le fond, à ces gens-là, en disant « Alvin, dans le cas que tu serais dans telle situation, tu réagirais comment? » Et ils ont remarqué que, au fur et à mesure que les jours avançaient, les gens qui jouaient à des jeux vidéo violents avaient des tendances à répondre de façon plus violente et agressive aux questions. T'es dans le fond, vous êtes pogné dans le métro, vous voulez sortir, quelqu'un veut pas se torser, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de dire « Ben, je vais prendre plus de place, puis... » d'essayer de me frayer un chemin poliment pour sortir, il va dire, ben, je vais y pogner par la peau du collet puis le tasser parce que c'est un chien, ça. Exemple comme ça. Moi aussi, je suis capable d'écrire ça sur un questionnaire, mais rendu dans la situation, il y a des bonnes chances que je pisse dans mes culottes. Mais après ça, l'autre test qu'ils ont fait, c'est que, mettons, ils prennent les deux équipes, ceux-là qui ont joué contre des jeux violents, et avec des jeux violents et non violents, et ils leur demandent de faire une épreuve du genre jouer au basketball. Et le gagnant va pouvoir donner une punition à l'équipe perdante. Puis ils se sont rendus compte que les gens qui ont joué à des jeux vidéo violents avaient tendance à donner des punitions plus violentes. Fait qu'en trois jours, avec 70 personnes, ils ont conclu que scientifiquement, ben oui. les c'est jeux... tout avec un échantillon de d'hommes efféminés. J'ai comme je comprends pas pourquoi ça vous tentait pas de prendre des femmes, des hommes, des âges différents. Tu sais, du monde de 70 ans, du monde de 16, mélanger tout ça. Mais ils spécifient pas. Mais bref, leur étude a été publiée sur le site merlanfree.net. Crédible. Oui. Et bref, tout ça pour dire que ça a fait un gros scandale en Europe. France 2 a pas hésité du tout à faire de la grosse presse à sensation avec cette étude-là. Ouais, ouais. Et aux médias de masse, on aime toujours ça quand on entend quand il y a des massacres aux États-Unis. Il faudrait pas que le gars ait un album de Marilyn Manson sur son ordi. Non, mais justement, ils ont pas manqué l'occasion de mettre des images du massacre de Columbine. C'est ridicule. Mais bref, c'est peut-être pour ça aussi. T'sais, ils se sont dit, oh, à se tape du monde dans World of Warcraft. Ouais, oui, ben, c'est une personne violente. Mais il faut dire que, de toute façon... partout dans le monde, il y a toujours ce réflexe-là. On se rappelle dans les années 80, quand il y avait eu un procès quand même sur la musique métal. Et pour ceux qui aiment d'ailleurs la musique métal, on en parle souvent à l'émission. Metal Headbangers Journey, qui est un documentaire sur le métal, en parle de cette crise-là, à un moment donné, qu'il y a eu aux États-Unis. Puis il y avait eu une commission sénatoriale ou même du Congrès. Et là, il y a le chanteur de Twisted Sister qui s'était présenté puis qui avait fait vraiment un discours des plus articulés et vraiment avec des arguments dans les dents des politiciens qui étaient là. En fait, c'est la femme de Al Gore qui avait monté la commission. Et à chaque fois, on va pointer ces cultures-là... surtout qu'on pointe les jeux vidéo qui deviennent de plus en plus commercial, qui est rendu une culture de masse, une culture populaire de plus en plus. Et il faudrait vraiment que quelqu'un calcule à un moment donné le taux de pourcentage du monde qui joue à des jeux vidéo qui sont violents puis ceux qui le sont pas. On pourrait être surpris, en tout cas. Bref, une nouvelle une niaiserie encore. Merci Endo d'avoir partagé la stupidité humaine avec nous encore une fois. Et la non avec de toute façon les études scientifiques de ce genre-là, il y en a 20 qui sortent, puis il y en a 20 autres qui la contredisent à chaque année. Donc bref, merci d'avoir partagé ça avec nous, Endo Castegan. Et on passe en musique on vous rappelle que c'est un spécial 2 heures encore cette semaine pour Puissance Maximale. Et on va partir en musique. Après ça, on part en commerciaux et on revient après ça en musique et avec la deuxième heure de Puissance Maximale. Avec quelle chanson on s'en va vers tout ça, Monsieur Castegan? Ça va être avec la chanson Cité d'or de Overbass. Oh oui, Overbass, un autre groupe, un autre grand groupe classique de métal au Québec et avec une autre musique. Donc, c'est une chanson classique là, des Cités d'or. Vous allez voir, il y a quand même une longue intro musicale, mais c'est un excellent remake d'Overbass. Donc, vous attendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. conférence musicale gratuite, ça vous dit? Vous aimez la musique? Vous aimez les découvertes? Ne manquez pas les conférences d'initiation aux styles musicaux présentées gratuitement au Palais Montcalm. Le mercredi 17 octobre à 20h, une initiation à la musique jazz vous est proposée par Stanley Péan en compagnie d'un quintet et d'une chanteuse. Vous avez des droits. Êtes-vous bien sûr de les connaître? Ici Julien Bilodeau, en compagnie de l'avocate Maude Bégin-Robitaille du Centre de justice de proximité de Québec. Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis à midi sur CKIA-FM. Amateurs de sport, ici Jonathan Paris. Pour être informé sur toute l'actualité sportive, syntonisez Extrême Radio Sport. Au menu, des chroniques, des entrevues avec des personnalités sportives connues et sans oublier des débats intéressants avec nos excellents collaborateurs tels que Jean Perron. C'est un rendez-vous le jeudi de 17h à 18h et le samedi de 15h à 17h sur les ondes de CKIA FM 88.3. Les amateurs de métal au rendez-vous le vendredi soir pour l'émission Vague 80. Une heure où le speed, le thrash et le death metal sont à l'honneur. C'est une invitation le vendredi soir 23h sur les ondes de CKIA FM 88.3. Vous voulez partir en cavale sonore? À Giramundo, on vous parle, on vous chante, on vous raconte la musique, la politique et la culture. À travers du hip-hop touareg, de la valse mongole, du ska japonais, du reggae suédois. C'est un happening intergalactique, c'est à Giramundo tous les samedis soirs à 19h sur les ondes de CKIA. Tendez l'oreille. On parle de vous. On parle des autres. On parle de nous. Les productions L'Équipage vous présentent Pulse Fiction, hommage à Pink Floyd, samedi le 6 octobre prochain à l'Anglicane de Lévis. Venez revivre dans l'intégralité les meilleurs succès du légendaire groupe britannique par la jeune formation vainqueur du concours Lévis-Ville du Rock 2012, Pulse Fiction, hommage à Pink Floyd. Billets en vente sur le réseau Billetdeck. Bonjour, ici Pierre Lapointe, vous écoutez CKIA 88.3 FM. Tendez l'oreille, on parle de vous. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi. Le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après ces quelques commerciaux et après avoir entendu les Cités d'Or version Overbass. Et maintenant, on va vous faire une critique de jeu. En fait, Monsieur Andrew Castegan va vous faire une critique de jeu, le jeu Dishonored du studio Arkane. Oui, donc jeu qui a été produit par Arkane et publié par Bethesda, ce studio que l'on aime tant. Qui sort des jeux, ma foi, très buggés, mais on leur pardonne toujours. Malgré tout, on aime bien ça. Non, c'est ça. C'est, je pense que c'est un des seuls studios qu'on leur lance pas des pierres, à part la PS3. Ouais. Et là, Dishonored, en plus qu'on a eu peur qu'il soit retardé, finalement, il a été confirmé pour le 12, mais il a été devancé pour le 9 octobre cette semaine. Donc, en Amérique. En Amérique. Uniquement. L'Europe et l'Australie, le Japon, tout ça, sont encore le 12. OK. Nous, on a reçu ça. Ben, donc, ils vont le recevoir demain. Mais nous, on a reçu ça le 9. Et Andrew, tu y as joué. Puis là, en plus, en début d'émission, tantôt, tu disais... possible jeu de l'année déjà à ce point-là? Ah ouais? Ben, t'sais, juste pour vous donner une idée, t'sais, je vais vous donner mon impression, mais t'sais, juste pour vous donner une idée, le site Metacritic, je fais souvent référence de ce jeu-là, de ce site-là, en fait. C'est un site, dans le fond, là, qui fait comme la moyenne géométrique, dans le fond, c'est très scientifique comme calcul, de tous les sites de critique et qui donne une note sur ça. Donc, t'sais, si vous voulez vous faire une idée d'un jeu, généralement, si vous avez ce site-là, l'opinion n'est pas biaisée, là, contrairement si vous vous fiez uniquement à jeuxvideo.com ou GameSpot. Et à l'heure actuelle, sur Metacritic, pour 20 critiques, 91%. Quand même. C'est quand même très haut. Et aussi un autre indice, jeuxvideo.com aussi ont fait une critique du jeu, puis généralement, ils sont assez sévères. Personnellement, je trouve qu'ils sont peut-être des fois un peu trop sévères envers certains jeux. Ils ont donné 19 sur 20. Quand même, c'est une très bonne note. Et là, Dishonored, des bonnes critiques, mais c'est quoi? C'est un first person, premièrement. On est à la première personne, mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu-là? C'est quoi le contexte? Là? On est qui? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça se passe dans la ville industrielle de Dawnwall, dans le fond, qui est... si vous voulez avoir vraiment une idée, si vous voulez mettre une année, ça se situe à peu près dans les alentours des années 1800. On parle d'un truc steampunk un peu, là. Ouais, c'est ça. T'es dans le fond, vous êtes dans la révolution industrielle, dans le fond, là, vous allez voir du monde en petit veston avec les montres de Doucet et les chapeaux melons. Et c'est ce style vestimentaire-là que vous allez retrouver, mais en même temps, vous allez avoir des choses extrêmement technologiques à cause de la vapeur et de l'électricité. Parce que dans Dishonored, il y a plus d'électricité que de vapeur, je vous dirais. Mais en fait, c'est pas vraiment de l'électricité, en fait, c'est qu'il carbure à l'huile de baleine. Oh! très fort. Il doit avoir de la baleine à cette époque-là, parce qu'il ferait ça aujourd'hui, ça ne durerait pas longtemps. Exactement. Et vous, en tant que tel, vous jouez Corvo Attano, qui est dans le fond le... Ça sonne, ouais. Ça, comme nom, Corvo Attano. Ça fait un bon nom de joie, de personnage principal, ça. Mais en fait, vous êtes un bodyguard légendaire de l'impératrice de cette ville-là, parce qu'en fait, chose à savoir, c'est point de vue politique, chaque ville ont leur empereur ou impératrice, ou peu importe, et dans le fond, ont leur propre gouvernement. T'sais, c'est pas un gros pays. T'sais, chaque ville est indépendante. Et la ville de Dawnwall, dans le fond, a un problème avec la peste. Donc, il y a un problème de rats, de vermine dans la ville, et il y a de la peste qui commence à se propager. Et au début, on est envoyé en tant que bodyguard et messager de l'impératrice dans d'autres villes pour voir s'il y a d'autres villes qui ont vécu le même problème ou ont actuellement le problème. Et essayer de trouver une solution pour éviter que le peuple souffre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant l'absence, il y a le chef de la guilde des assassins qui essaie de faire pression à l'impératrice pour dire là, il faudrait mettre des quarantaines, il faudrait commencer à contrôler ça pour pas que ça se répande ou quoi que ce soit. Et l'impératrice refuse. Elle dit qu'elle veut pas semer un élan de panique, elle veut que les gens continuent de bien vivre et elle se refuse à créer des ghettos à peste pour essayer de contrôler cette épidémie-là. Et évidemment, ben ça fait pas l'affaire à tout le monde dans le gouvernement. Et il y a un attentat qui se fait contre elle et on se retrouve malheureusement au mauvais moment, mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça. Ça dépend du point de vue, là, pour l'ennemi, d'aller au bon moment, mais bon. Et ça finit que, dans le fond, il cherchait un bouc émissaire pour mettre la faute sur quelqu'un, et c'est notre personnage qui en écope. Et on se retrouve, dans le fond, à devenir un assassin qui va essayer de retrouver, en fait, la fille de l'impératrice pour remettre cette monarchie en place et restaurer l'ordre et la joie dans le pays. Ouais, dit de même, ça fait un peu fleur bleue, mais bon. Donc, nous sommes trahis, nous allons nous venger et rétablir l'ordre. Et comment allons-nous le faire, Andrew Castegan? On parlait tantôt d'un jeu première personne. C'est un jeu d'action où on rentre dans tout le monde à coup de mitraillette rotative ou... Non, pas du tout, en fait. Ben, en fait, vous pouvez le faire, mais vous allez rusher. Ça va être dur. En fait, le jeu n'est pas tant open world. Au début, je pensais que, dans le fond, le jeu, ça allait être une map immense. On allait avoir des sims un peu comme Assassin's Creed. Okay. Moi, au début, je me disais, ça va être un Assassin's Creed, mais à la première personne. C'est pas tout à fait ça. C'est que, dans le fond, notre personnage, au début, on n'a pas de pouvoir magique ou quoi que ce soit, parce qu'il y a de la magie dans ce jeu-là. On est un humain ben normal, avec une épée. Parce que notre arme principale, c'est un petit couteau épée courte, rétractable. Tu sais, ça ressemble un peu au jackknife, là, dans le fond, la lame rentre, sauf que c'est une épée courte. Et dans le fond, on peut avoir pistolet, arbalète, piège avec un câble qui peut couper les ennemis avec des fils et des choses comme ça. On a tout cet aspect technologique-là de gadget. Et au fur du jeu, on va rencontrer un personnage qui s'appelle The Outsider, qui a une forme humaine, mais tu sais, qui parle un peu comme si c'était une divinité ou un démon, on sait pas trop. Bref, il y a une apparence humaine, mais c'est pas humain. On sent que c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Ce ne l'est pas. C'est ça. Puis lui, nous donne des pouvoirs magiques, un peu pour son divertissement, de la façon qu'il nous annonce ça. Moi, je trouve que ça sonne beaucoup Shinigami, personnellement. On a déjà parlé de Dead Note et tout ça, les genres de dieux de la mort, là, t'sais, qui donnent des pouvoirs à quelqu'un pour se divertir, là. Mais moi, personnellement, ça m'a fait un peu penser à ça comme introduction. Il donne une marque, t'as des pouvoirs qui se débloquent, et pour ça, faut que tu trouves des genres de totems ou des signes faits en os, puis des affaires de même. Si c'est un dieu, il penche un peu vers le lugubre et un peu de mauvais goût, là. Fait que moi, je pencherais un petit peu plus pour démon, mais bref, il nous donne des pouvoirs qui vont nous aider, dans le fond, à prendre des choix au niveau de la façon d'aborder nos missions. Parce qu'en fait, quand je disais que c'était pas open world, c'est qu'en fait, vous avez une zone de jeu qui va s'être débarrée. Et dépendamment des pouvoirs que vous avez choisis en évoluant votre personnage, vous allez avoir plusieurs façons d'aborder cette mission-là. Vous allez pouvoir passer par la front door, ça vous tente, la porte d'entrée en avant, puis de tuer tout le monde. Advenant que vous êtes équipé en gros arsenal et en pouvoir offensif, vous allez être capable, mais vous êtes mieux d'opérer. Puis vous êtes capable de contrôler la mécanique de jeu assez bien. C'est ça, parce que contrairement à bien des jeux, vous avez plusieurs ennemis en même temps, eux, ils vous attaqueront pas à tour de rôle. Ils vous attaquent tous en même temps. C'est ça, mais c'est-tu compliqué? Les commandes sont-tu bien compliquées? Parce qu'on C'est très simple, je vous dirais. En fait, vous utilisez les touches majoritaires, c'est le WASD pour vous déplacer, la souris pour bouger votre vue, clic gauche pour utiliser l'arme principale qui est l'épée, et vous avez le clic droit qui va servir à tout ce qui est item, pouvoir ou quoi que ce soit qui est équipé dans la main gauche de votre personnage. Ça peut sembler un petit peu mélangeant au début, main droite, main gauche, t'sais, au niveau des clips. Qu'on est un peu habitué à Skyrim. On est habitué, fait que ça va bien. Puis ça se prend bien en main. Mais puis pour bloquer, c'est la touche contrôle. Chose à savoir, quand on bloque, on peut bloquer un ennemi à la fois. Donc, si vous avez deux ennemis qui vous attaquent en même temps, vous allez vous manger les dégâts. Il faut déplacer notre champ de vision là, pour aller bloquer l'autre. Exactement. Okay. Et tant ou si longtemps que vous avez l'ennemi dans votre champ de vision, donc dans le fond que vous le voyez à l'écran, mais vous qui va vous attaquer 42 fois, vous allez le bloquer. Okay. Mais s'il vous attaque par l'arrière, vous bloquerez pas, même si vous tenez le contrôle. C'est un peu normal. Oui. Et aussi, tout ce qui est projectile, donc arme à feu, arbalète, vous n'êtes pas capable de le bloquer. Donc, pendant que vous êtes en contrôle, même si vous ne l'êtes pas, la roulette de la souris vous permet de sélectionner vos pouvoirs et vos armes. Vous avez deux façons, soit vous roulez la roulette pour dérouler tous les pouvoirs, ou vous appuyez sur le bouton pour avoir le cercle d'accès rapide, ou que dans le fond, votre vue se bloque, où est-ce que vous regardez, vous pouvez utiliser la souris pour aller sélectionner directement le pouvoir que vous voulez. Sinon, en tant que tel, F pour utiliser, ART pour potion de soins et de mana. C'est pas mal des touches que vous avez besoin. Fait que là, on se retrouve à faire des combats, mais là, on va assassiner des gens, on va se promener. J'imagine qu'on est mieux... Le petit côté doit être plus axé sur la furtivité. Là. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est facile ou c'est vraiment ardu là, pour la furtivité? Au niveau furtivité, je vous dirais que l'intelligence artificielle est quand même, ma foi, très agressive. Ça cause que... Oui, c'est vrai. Si vous appuyez sur C, vous vous mettez en mode furtivité. Mais si aussitôt que vous n'êtes pas en mode furtivité, si vous êtes dans une bâtisse qui a 3 étages, puis que vous marchez, s'il y a un garde qui rentre en bas, il va vous attendre, il va vous entendre automatiquement, puis il va venir vous chercher. Okay. Ça, c'est une petite bémol que j'ai trouvée. L'intelligence artificielle est, ma foi, très agressive. Par contre, si vous vous tenez en mode furtivité, vous avancez, généralement, les petits coins noirs, les choses comme ça, ils vous entendront pas, même si vous passez à 2 cm d'eux autres. C'est sûr qu'il faut pas que vous soyez en face de lui, mais il vous entendra pas. Mais par contre, la furtivité vous coupe de moitié votre vitesse de déplacement. Donc, faut être sûr de son coup, parce qu'on a besoin de se sauver, on est un peu dans le caca. Ouais, c'est d'où pourquoi que les pouvoirs magiques rentrent. T'sais, comme exemple, il y en a un que c'est un pouvoir magique qui sert à téléporter sur courte distance. T'sais, vous pouvez pas vous téléporter à l'autre bout de la carte, mais ça vous permet de vous déplacer plus rapidement sans vous faire entendre. Exemple, vous arrivez dans une pièce qui est super éclairée, vous avez 2 gardes à disposer, vous avez pas de coin noir pour vous cacher, puis ça vous tente pas de déclencher une alarme, ben vous pouvez utiliser la téléportation pour vous mettre en arrière du premier garde, le stabber, et utiliser une autre téléportation pour arriver en arrière de l'autre immédiatement pour le, encore une fois, l'égorger. Donc, ça vous permet de jongler avec ce genre d'affaires-là, ou encore utiliser la téléportation pour vous rendre à un niveau plus haut qu'en sautant vous seriez pas capable. Ce genre de choses-là, vous pouvez jouer avec ça. Mais aussi en même temps, quand vous ramassez les fameux totems et symboles que je vous parlais, vous pouvez acheter des améliorations pour les pouvoirs, exemple, rallonger la portée du sort de téléportation. Ce genre de choses-là. Donc, le jeu est dur, oui, mais en même temps, ça dépend de la façon que vous l'abordez. Je vous dirais que quand on arrive dans un nouveau secteur, c'est pas rare que la première fois on rate notre coup puis on meurt. Ça m'est arrivé. Je vous dirais, j'ai même pas fini la première mission d'assassinat parce que la zone de cherchement est tellement grande que vous avez tellement de possibilités par où passer que des fois vous arrivez sur du monde qui est pas forcément vos ennemis, mais à cause que vous êtes rentré d'une façon agressive dans leur territoire, ils vous considèrent un ennemi. Exemple, un gang de rue. Il y en a dans ce jeu-là. Okay. Et si vous arrivez dans leur repère avec votre épée dégainée parce que vous aviez tué quatre gardes plus haut, ben, les autres vont faire « Qu'est-ce que tu fais ici avec une épée dégainée? » Puis ils vont t'attaquer. Puis là, tout, ben, t'étais pas prêt à ça, fait que tu te fais ramasser. Je vous dirais, ce jeu-là, une autre bémol que j'ai trouvé, mais t'sais, comme je vous dis, c'est des bémols, mais t'sais, c'est mineur. T'sais, ça ruine pas en tant que tel l'expérience de jeu. Il n'y a pas d'autosave pendant vos missions. Oh, donc, ça, j'avoue que ça, moi, ça va me poser problème. Mais il y a une fonction de quick save. Donc, je vous dirais, quand vous rentrez dans une nouvelle zone, vous ne savez pas où vous allez, puis vous n'êtes pas certain que vous allez faire quelque chose correctement, faites un quick save. Parce que si vous ne le faites pas, puis vous vous faites tuer, vous allez recommencer au tout début de la mission d'assassinat. Pensez-y bien, surtout si vous êtes habitué de jouer à Skyrim, tout s'autosave tout le temps quand vous rentrez, vous sortez d'une place. J'avoue que là, par exemple... ça peut poser problème, faut y penser. Exactement. Côté graphique, Andrew, moi j'avais regardé ça un peu, c'est pas un truc réaliste, un peu avec une esthétique en Skyrim, là, on s'entend que c'est une esthétique plus réaliste un peu. C'était pas cartoon, mais pas loin. T'as trouvé ça comment? C'est-tu beau? C'est un beau jeu? Arkane fait pas exception à Bethesda. T'sais, ça paraît que c'est un sous-studio de Bethesda. Là. Un des défauts du jeu, personnellement, c'est les textures de proche. T'en avais déjà parlé à Skyrim. Skyrim est un jeu très, très beau, mais les textures de proche... On arrive à côté d'un mur de bois, ben, à moins d'avoir même avec des packs de retextures HD, c'est pas leur force. Exactement. Je vous dirais que ce jeu-là souffre à peu près de la même chose, mais à moins grande échelle. Ah, puisque... Moi, j'avais vu vraiment des critiques sur Internet disant que c'était de la scrap. C'est vraiment les textures de proche que c'était ridiculement laid. Oui, il faut que je le vois, moi, à descendre. Il faut que je le teste. C'est à cause que, quand on regarde le style graphique du jeu, on s'attend pas à avoir des textures hyper détaillées. Je dirais que moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas si pire. T'sais, pour la zone de chargement de jeu, je trouve que ça... Mais t'sais, je vous mentirais pas que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on en regarde, parce qu'il y a des textures qui ont vraiment très bien réussi, puis d'autres, c'est vraiment de la dompe. Là. Exemple, une texture de vidange, là. T'as un sol qui est plein de vidange, là. Il y a zéro relief, là. T'sais, c'est vraiment... Ils ont pris un papier peint de vidange, puis on sacré ça sur une bosse, là. Ça, je te dirais que j'ai un peu trouvé ça moins le fun. Mais... on passe à travers de ça assez rapidement, parce que le jeu, il est le fun. T'sais, moi, personnellement, le point de vue graphique, oui, c'est une chose, mais si le jeu m'offre à quoi je m'attends et est divertissant, je peux outrepasser ces petits détails-là. Puis aussi, en même temps, on se cachera pas, sur PC, il y a tellement de communautés de modeurs que ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il y ait tout plein de modes. Est-ce que ça a l'air d'être aussi accessible que Skyrim, par exemple? Moins que Skyrim. Ouais. Ça va light. Le monde va trouver une façon de le faire. Mais pour l'instant, l'engine de développement est pas sorti encore pour Dishonored. Faut dire qu'il est sorti mardi, le jeu, là, t'sais. Skyrim, c'est... On va leur donner une chance. Non, c'est ça, t'sais. Mais, il y a pas eu de verdict au niveau s'il y allait avoir des mods autorisés pour ce jeu-là ou des choses comme ça. Mais, t'sais, ça pourrait être intéressant. En même temps, ben, Bethesda sont conscients que des fois que leurs textures sont pas très belles, puis ils avaient déjà eux-mêmes sorti un HD texture pack sur Skyrim. Est-ce qu'on va s'attendre à quelque chose de pareil pour Dishonored? Peut-être. On verra. On dirait que c'est la grosse mode, c'est en site. Tout le monde, ils sortent des jeux, puis il y a un DLC de texture HD. Faites donc vos jeux en HD en partant. Là. On est rendu là, je pense. Ben, peut-être qu'ils font ça par souci de personnes qui ont des machines moins puissantes que les autres. Ouais, mais moi, non, mais toi, t'es plus dans cette atmosphère-là. C'est ça. Moi, je veux du HD tout de suite. Mais je vous dirais, un bon jeu, un gameplay solide. Je vous dirais au niveau de l'histoire, pour qu'est-ce que j'ai vu, je vous dirais que j'étais encore au début où ils font la mise en place d'éléments. Mais j'ai vu du monde sur Internet critiquer plus loin dans le jeu, puis il paraîtrait que l'histoire prend des tournures, ma foi, très épiques. Et c'est... Ah, j'ai hâte de jouer. Que c'est intéressant, que c'est un bon jeu. Puis je vous dirais que... À date, j'ai pas vu grand monde déçu. Le monde que j'ai vu déçu, c'est le monde qui s'attendait à un jeu action, à la Skyrim, steampunk, genre? Ouais, ben, il y a du monde qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient effectivement à Skyrim. T'es, comme je disais, moi, quand je voyais les trailers, je pensais que ça allait être un jeu open world comme Skyrim, puis c'est pas le cas. Okay. Fait qu'il y a du monde qui sont déçus à cause de ça. Il y a d'autres personnes qui voyaient le jeu vraiment juste pour l'aspect action, parce qu'il y a du monde qui disait, moi, si je joue action, ça va bûcher. Non. Le personnage n'est pas un soldat, là. T'es, c'est un bodyguard, là. Fait que il se bat pas avec une mitraillette, là. C'est un arbalète. lunettes et un pistolet. Là. Fait que, attendez-vous pas à tirer de la K-47 dans une maison, c'est pas le cas. Okay. Fait que, mais vous pouvez jouer action, mais ça va être avec l'épée. Si vous aimez le combat corps à corps en première personne, c'est parfait. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Andrew, de cette critique du jeu Dishonored du studio Arkane, donc un peu sous-traitant ou en tout cas partenaire de Bethesda qui a publié le jeu. Donc, allez voir ça sur les internets, allez vous acheter ça. C'est sorti mardi dernier, donc le 9 octobre, Dishonored sur PC seulement, je crois. PC, oui. Xbox 360, PS3. Mais la meilleure version, c'est PC. Ben, tout le temps, parce que PC, ça rock. Non, mais point de vue critique, on okay. parle d'une différence de 10 points, là, oh, facile. Là. Quand même. Donc, allez vous chercher ça. Un très bon jeu, selon notre conquérant, M. Castegan. Et on va, justement, M. Castegan va aussi nous dire avec quelle musique on s'en va. T'aimais mon accent allemand, ça va être Bugdisch. Après ce Bugdisch de Rammstein, vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, Frodon qui nous avait donné une entrevue là, avant de se rendre au Mordor. Il y a de ça tellement longtemps. Mais on s'entend-tu qu'une Nazgûl, là, c'est tannant? Ouais, tout à fait. Ça t'empêche de dormir bien, surtout quand ça se tape, genre, des oreillers dans l'auberge à côté de toi. Des choses là, comme ça qu'on vit au quotidien ici à Puissance Maximale. Mais arrêtons les blagues douteuses et continuons avec une critique. Ben, en fait, un peu, pas vraiment une critique, mais on va parler un peu du DLC qui est sorti, donc du contenu téléchargeable pour le jeu Skyrim, Heartfire, qui est sorti la semaine dernière sur qui était sorti au début du mois de septembre pour Xbox et la semaine dernière pour PC. Donc, contenu téléchargeable qui consiste à nous donner des nouveaux items, entre autres pour faire la cuisine. C'est un peu, finalement, un contenu téléchargeable qui rend le jeu encore plus immersif, qui nous permet d'avoir finalement comme une vie en dehors de l'aventure du Dragonborn de Dovahkiin. Et ça nous permet finalement... Parce que faut quand même qu'il y ait une vie, là, il fait pas juste tuer des dragons à longueur de journée, effectivement. Et là, ça nous permet en plus nous donner des nouveaux ingrédients pour faire à manger. Ça nous permet, entre autres, de nous bâtir une maison. Contrairement à ce que je pensais, moi, je pensais qu'on allait pouvoir, au début, acheter un terrain pas mal n'importe où, là, on en a parlé, à un jarl, donc à un seigneur, dans un certain coin pour pouvoir s'acheter un terrain. Et non, c'est tout dans le même coin, donc à Falkeet, en bas, donc au sud de Skyrim, on peut aller s'acheter proche, en fait, c'est proche du début, là, de Helgen, où il y a Alduin qui arrive au début du jeu. C'est dans ce coin-là, on veut s'acheter un terrain. Il va nous permettre de nous bâtir le Lake Manor View. Donc, on peut s'acheter... On va se construire un manoir. Bref, une petite maison au début. Et on va... Pour tout faire ça, finalement, on faut aller acheter le terrain. On arrive là, il y a déjà un établi qui est là pour nous permettre de bâtir nos matériaux. Donc, bref, c'est principalement du craft, où on va bâtir, fabriquer nos clous, nos murs, nos planches, nos peintures de portes, nos barrures de portes encore, puis des trucs de métal également. On va bâtir nos murs, faire les fondations, et pour ça, il faut aller chercher des nouvelles ressources comme de la glaise qu'on va aller chercher sur place, des pierres pour faire les fondations également, et du bois, bien évidemment. Ce qui va rendre utile un peu les moulins à bois, les moulins à scie là, qu'on retrouve dans les différentes villes et villages. Enfin, on va pouvoir commander directement aux gens, aux propriétaires de ces moulins-là, des bio qui vont nous être livrés gracieusement à la maison sur notre terrain. Et tout ça peut se faire tout seul. Et moi, je l'ai fait en utilisant de la triche, parce que vous savez que je suis un tricheur invétéré. Méchant garçon. Méchant. Et même en trichant, c'était tellement long à faire ça tout seul. Alors, vous pouvez aller... En fait, je pense qu'il faut, premièrement, si je me rappelle bien, bâtir la première partie de votre maison, qui est comme la small house, donc la petite maison, qui va devenir plus tard, quand vous aurez tout votre gros manoir, finalement juste le hall d'entrée, qui va être reconfiguré plus tard. Mais après ça, il faut aller vous chercher, gros conseil que je vous donne, allez vous chercher un steward, donc un intendant qui va s'occuper de vous aider à bâtir à la place de courir toutes les villes pour aller vous acheter justement des lots de glaise ou des matériaux qui vous manquent pour fabriquer, parce que vous pouvez fabriquer tout votre mobilier également en vous rendant avec des établis dans la maison une fois qu'elle est construite. Ben, allez donc demander à votre intendant d'aller acheter ce qu'il faut. Plus tard, ben, il va pouvoir vous aider à meubler et même acheter des animaux pour votre petite ferme, une vache, des poules. Vous allez avoir un jardin qui est possible aussi pour aller planter des légumes. Et là, avec la maison centrale, après ça, vous pouvez développer le Great Hall. Ça ressemble vraiment à un Great Hall style viking, un peu là, comme un genre de maison. Et là, après ça, vous allez développer le Great Hall qui va se connecter à la petite maison qui va devenir le hall d'entrée, finalement. Et après ça, vous avez trois ailes que vous allez pouvoir, donc l'aile nord, l'aile est et l'aile ouest. Et vous avez trois choix par aile, finalement, et vous allez devoir faire un choix. Donc, ça vous quand même une possibilité de personnification de la maison. Moi, j'ai fait des choix un peu douteux. Je me suis fait une armurerie. Je trouve un peu trop, pas assez de place, trop pogné. Donc, il n'y a pas tant de mannequins que ça pour mettre mes armures. C'est pas comme le Dovahkiin Hideout, là. Non, qui est un mode là, où on a comme 20 mannequins puis beaucoup de place d'entreposage. Je trouve ça un petit peu trop pogné. Il manque de mannequins. J'aurais dû me faire une cuisine. Ça, on veut le jeu vraiment immersif, parce que avec ces cuisines-là, il y a un autre mode de cuisson, parce qu'habituellement, on a comme la broche de cuisson avec le chaudron. Le chaudron, on fait principalement des ragoûts. C'est ce qu'ils ont. Ils ont un autre truc qu'ils ont ajouté aussi, c'est le visuel des recettes. C'est un niaiseux, là. Mais comme le ragoût, disons, de cerf, ben, il ressemble pas au ragoût de bœuf. puis la fondue Elswin, qui est comme un genre de, c'est du fromage avec du moon sugar, là. Ben ça ressemble plus à la même, tu sais, ça ils ont vraiment un visuel intéressant. Ça reste de la fausse bouffe là, mais je veux dire vraiment différent, puis c'est encore le côté immersif qui revient. Mais en plus, vous pouvez avoir un four pour faire des desserts, des finalement. Pizza. Ben en fait, des tartes, des croustades, des dumplings. Pas faire de pizza. Non, malheureusement. Là, je pose la question parce que moi, j'ai juste réussi à partir de mon jeu hier. Ok. Et non, parce qu'Andrew, faut dire qu'il y a de la misère avec son Skyrim depuis qu'il l'a. Ben d'ailleurs, je peux peut-être en profiter pour donner un conseil aux gens qui ont le jeu sur Steam. Si vous installez des mods, vérifiez que votre DLC Earthfire est activé parce que ça a de l'air que ça s'active pas de façon automatique. Et ça peut faire, ça va faire crasher votre jeu en fait. Vous allez le pogner dans une loupe en fait. Vous serez soit vous avez deux scénarios, soit vous allez vous rendre au logo de Skyrim puis le jeu va vous fermer dans la face, ou soit que vous allez avoir le fameux petit icône de Steam là, disant Launching Skyrim là, qui va rouler en boucle sans fin. Ça ne se lancera pas. Et je suis pas tout seul à avoir eu le problème parce que j'ai trouvé la solution par pur hasard et j'ai confirmé le tout sur le forum justement de Mod Manager du Nexus Skyrim. C'est un problème récurrent. Steam n'active pas le contenu automatiquement. Malheureusement. Si vous avez le problème, voilà votre solution. Autre chose, donc, c'est ça pour les ailes. On revient à la maison. On peut avoir comme une tour d'alchimiste, une tour de mage, une bibliothèque. Il faut avoir un jardin, une cuisine, une armurerie. Bref, plein de choix. Autour de ça, vous aviez déjà la possibilité de vous marier dans Skyrim. On en a parlé en allant à Riften. Allez vous chercher une amulette de mariage. Alisha, qui est une déesse. La déesse de l'amour. La déesse de l'amour. Et vous allez aller finalement pas parler. De Barry White, hein? Non, c'est ça. J'ai pas amené de Barry White aujourd'hui. La prochaine fois. Et vous allez parler avec une femme. Ça vous intéresse. Ben, vous pouvez vous marier. Après ça, vous décidez où est-ce que vous allez rester. Si vous restez chez madame ou chez vous. Et là, avec une grosse maison comme ça, vous lui dites de venir à la maison. Alors, vous allez avoir votre femme, votre intendant. Intendant qui peut être souvent le. Un protecteur de vos maisons là, quand vous devenez Tain dans une ville, mais vous pouvez lui demander, vous l'amener là-bas, puis vous lui montrez votre maison, puis souvent il va se proposer à être votre intendant. Donc une femme, un intendant, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de plus? Ben peut-être des enfants, ça c'est un plus que Heartfire, on en a déjà parlé. Donc vous vous rendez finalement à l'orphelinat à Riften encore une fois, puis vous adoptez un maximum deux enfants. Donc j'ai l'impression d'être dans le American Dream, une femme de deux enfants, une clôture avec un. Est-ce qu'il y a un chien? On a deux chevaux. Est-ce qu'il y a un chien? Non, on peut aller à Malakat s'en chercher un chien de guerre. Je pourrais aller me chercher un chien. Voilà, là, t'aurais le American Dream. J'aurais le kit. J'ai deux, comme un gars, une fille. C'est ça, moi, j'ai un gars, une fille pour vrai. Et on pourrait avoir deux chevaux. Comme chacun son auto, ça serait magique. C'est quasiment ça. Et donc, vous avez vos enfants, vous pouvez jouer avec, vous leur donner des cadeaux. C'est assez de base. C'est sûr que là, pour le moment, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, notre femme, elle a comme un magasin, elle nous donne de l'argent un peu, elle nous fait à manger. C'est assez réducteur, je trouve. Parce que moi, je me suis marié avec la chasseuse des compagnons. Alenia, je pense. Ayla, ouais. Puis, c'est pas le genre à faire de la manger, du manger à son mari, puis... de vendre des trucs pour ramener de l'argent à la maison. Surtout qu'on connaît son secret. C'est ça, c'est un loup-garou, puis... une chasseuse, là, me semble. En tout cas, bref, ça ne fit pas, mais bon. En tout cas, la viande est fraîche, ça, c'est sûr et certain. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. C'est seulement 5$ sur Steam pour les gens qui veulent avoir un Skyrim plus immersif, comme mettre un peu une vie parallèle à Dovahkiin, là, pas juste l'aventure. Moi, j'ai trouvé ça le fun, intéressant. C'est le fun à faire, surtout avec un personnage abouti. Le mien, j'ai fait des grosses quests, là, puis là, je me promène un peu. Je me fais un point pour revenir. Puis on peut se faire attaquer à notre maison aussi, il faut protéger. Donc, voilà pour Heartfire, du contenu téléchargeable pour Skyrim. Allez vous chercher ça, 5$ sur Steam. J'ai bien hâte de l'essayer. Ouais, mais tu pourras nous reparler. Tu m'en reparleras quand tu auras eu la chance de jouer. Donc, on continue après cette petite... Mon banc d'essai là, du contenu téléchargeable. En passant, c'est juste vous dire que effectivement, ça peut coûter assez cher monter votre propre maison. Ça fait qu'armez-vous de combien patience. Combien de clous? Ah, des centaines et des centaines. Pis c'est pour une batch de 10 clous, il faut dépenser... un lingot de fer. Non, mais on s'entend que le gars, il peut vraiment se vanter d'avoir vraiment construit toute sa maison. Il a même fait ses clous. Ouais, même fait ses clous, c'est quelque chose. Donc, voilà, allez-vous chercher ça sur Steam ou sur le magasin Microsoft, là, si vous avez une Xbox. Et on continue en musique, M. Castigan. Oui, en fait, une petite toune que j'ai eu un flash tantôt, je me suis dit, ce serait bon, ça. On parlait tantôt de Binox, là, la chanson thème de Spider-Man, interprétée par Richard Cheese. Oh oui, Richard Cheese, qu'on aime beaucoup. Ici, on n'en passe pas assez souvent. On devrait en passer plus souvent que ça, maximale. Donc, monsieur qui fait des versions crooner de chansons populaires et, dans ce cas-ci, de chansons classiques de notre enfance. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. À l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, Franck Pithiot, interprète de Perceval dans la série Kaamelott, que j'avais eu la chance d'interviewer. Je le répète souvent parce que ça avait été vraiment une entrevue. J'avais adoré faire ça. Et la personne est complètement hilarante. Ça valait, j'ai été très content de me déplacer à Gatineau l'année dernière pour le voir. On continue avec une autre critique de jeu, finalement. Le jeu Octodad, un jeu indépendant qu'Andrew a découvert la semaine dernière ou cette semaine, je ne me rappelle plus. Alors, Andrew, qu'est-ce donc Octodad? En fait, c'est un petit jeu qui a été développé par un étudiant dans le cadre d'un congrès de jeux indépendants. Jeu un peu expérimental, je vous dirais. Ça paraît dans son gameplay. Okay. En fait, on se retrouve à jouer... En fait, il n'y a pas de nom, le personnage. On se retrouve à jouer un octopus. Une pieuvre. Une pieuvre, bref. Qui s'est retrouvé, d'une façon qu'on ignore, marié à une femme et avec deux enfants. D'accord. Mais déjà dans le thème, on parle d'expérimental. Puis la chose à savoir, c'est que personne sait que Octodad, on va l'appeler de même, est une pieuvre. À l'exception de son arc némésis, le Sushiman. Tabouère. OK, c'est bon. Et mais là, visuellement, on le voit qu'on est qu'une pieuvre. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Non, il n'y a personne qui s'en rend compte. OK. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que, juste pour vous donner une idée, le slogan du jeu... C'est « Loving Husband, Caring Father, Secret Octopus ». Donc, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est le jour de l'anniversaire de mariage de notre... Moi, je trouve ça très drôle. On est le jour de l'anniversaire de mariage de notre personnage, dans le fond, avec sa femme, sa tendre moitié. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que sa femme s'en va faire des commissions et nous, on a un plan secret dans notre laboratoire caché dans le sous-sol et qui est de terminer le cadeau de sa bien-aimée. Mais notre femme part et nous donne une liste de corvées, de choses qu'on doit faire. Et on doit les faire correctement parce que, t'sais, en tant que pieuvre, monter un escabeau, c'est pas évident. On s'entend, là? Fait que il faut accomplir tout ce genre de petites affaires-là, mais sans soulever trop les suspicions de ta famille pour pas qu'il te démasque et que le sushi, parce que le sushiman t'espionne, parce qu'il sait qui tu es. Et il veut montrer à toute ta famille que tu es une pieuvre et ainsi te transformer en sushi. Fait que bref, c'est le résumé de l'histoire, parce que c'est pas mal juste ça, en fait. Et le jeu est très simple. Vous n'avez que besoin que d'une souris et du clic droit et du clic gauche et de la barre d'espacement. Dans le fond, le principe, c'est que pour se déplacer, parce que Octodad se tient comme s'il était humain debout, mais un peu mou quand même, il faut tenir le clic gauche pour enfoncer, pour lever le pied gauche. Et avec la souris, on peut bouger et le pied se promène de façon totalement absurde. Et c'est le même. Puis quand on lâche la souris, ben il dépose le pied puis il colle. Et il faut faire pareil avec le pied droit, avec le clic droit. Donc on se déplace comme ça. On n'a aucune possibilité de lever le pied ou quoi que ce soit. C'est vraiment, faut utiliser les obstacles. Comme dans le cas qu'on veut grimper dans un escabeau, ben faut faire ça puis prier le bon Dieu que tu t'en fâches pas d'un marche. Genre des affaires de même. Et si on a besoin de prendre des objets, comme exemple, la première tâche du matin, c'est d'arrêter le réveil. Parce qu'on a un réveil matin, donc faut l'arrêter. C'est, il faut appuyer sur espace et là, on tombe un peu en première personne où on voit, dans le fond, la tentacule de Octodad. Et là, avec la souris, on déplace la tentacule et on clique pour pouvoir sélectionner l'objet. Et par la suite, ben, on peut le déplacer. Et en fait, c'est pas mal ça en frais de gameplay. Et je vous dirais que le jeu, ça peut, les tâches, ça peut aller du réveil matin, comme je vous disais, à ben jouer au soccer avec son petit, donc ouh, faire un but. Ça doit être le fun, ça. J'ai passé peut-être 20 minutes à essayer d'entrer le ballon, mais ça cause que... Ou encore, exemple, faire une course avec son gars, mais la gagner. Solide. T'es quoi, des défis. Vous avez vu la méthode que je vous parlais. Et je vous dirais, le gameplay, la façon de jouer est totalement atroce. C'est affreux comme méthode de jouer. Mais le gars l'a dit, c'est voulu. C'est ça la difficulté du jeu. Parce que, comme je dis, monter un escabeau, là, c'est un défi en soi dans ce jeu-là. Mais t'es, prenez une pieuvre, puis mettez-la en bas d'un escabeau, puis demandez-y de grimper, là. Des chances que Sushiman fasse des sushis avec. C'est ça, mais tu sais, il y a comme des petits défis extrêmes, là, à un moment donné, là, avec le Sushiman, comme l'escabeau, c'en est une, ou encore traverser une pièce remplie de laser. On sait pas d'où qu'elle sort, cette pièce-là, on le sait pas. Mais tu sais, je vous dirais, c'est un petit jeu divertissant. Vous allez en avoir à peu près pour 2 heures. Je vous dirais que ça a fait quand même pas mal le tour de l'Internet à côté du sujet, là, on s'entend. Vous jouez une pieuvre. Qu'essaie de se faire passer pour un humain, là, t'es, on s'entend. Et fait que, t'es, c'est de toute beauté. Puis en même temps, je vous dirais, le jeu a été assez un succès pour qu'il en fasse une suite en 2013. Oh. Donc, vous allez avoir, dans le fond, une suite qui va s'appeler Octodad Dadliest Catch. Et dans le fond, ça va être un prequel. Vous allez... C'est comme si on avait besoin d'un prequel à ça. Et en fait, vous allez voir comment que Octodad s'est arrangé pour marier. Moi, Andrew, il me dit, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Octodad. Moi, je fais... Fine, ça va être cool, un jeu indépendant, j'aime toujours ça. J'avais pas demandé à Andrew c'était quoi, moi. Je trouve ça vraiment ridicule. Puis surtout qu'il y a un prequel qui s'en vient, là. En 2013. En 2013, c'est l'annonce d'avance, là. Puis en plus, avec un nouvel engine graphique et physique. Solide. Ça va être merveilleux. Il y a un trailer de sortie, d'ailleurs. On va aller voir ça. Mais je vous dirais... Le jeu est pas très très gros, il est gratuit. T'sais, on peut aller le chercher où d'ailleurs, ce jeu? Octodad.com. En fait, c'est OctodadGame.com. OctodadGame.com. Mais je vous dirais, t'sais, c'est divertissant. T'sais, je vous dirais, j'ai ragé après le gameplay. Là. C'est vraiment fait pour être chiant. Là. Je vous le dis tout de suite. Mais t'sais, ça a occupé 2 heures de ma soirée qu'à la fin j'ai fait. Crème, j'ai hâte que le deuxième sorte. Parce que inconsciemment, on s'attache à Octodad. Ben oui, écoute, une pieuvre qui passe inaperçue, on ne peut que s'y attacher. Oui, parce que la première partie du plan, c'est de construire un mannequin pour te remplacer pendant que tu vas dans le sous-sol terminer le cadeau de ta femme. D'accord. C'est comme... Merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé d'Octodad. Donc, octodadgame.com pour aller vous chercher ce jeu gratuit. Et ça crée, puis envoyer des lettres de plainte à puissance maximale, dire Renaud, pourquoi tu nous as parlé de ça? Non, c'est pas vrai, je vais l'essayer, moi, ça va me prendre deux secondes, je vais arrêter parce que j'ai pas de patience. Mais merci, Renaud, de nous avoir parlé de ça. Donc, octodadgame.com pour aller rager avec un jeu indépendant dont le prix qu'on s'en vient en 2013. Et on va continuer en musique avec une nouveauté de Monsieur Brent Oldfloss. On est des gros fans ici à Puissance Maximale. On vous avertit, on va aller vous chercher ça directement sur le tube, donc sur YouTube. Et c'est sorti aujourd'hui et ça s'appelle Super Mario Land with Lyrics. Vous attendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. To save that crazy Princess Daisy. By now he's sick of this princess fake out bullshit. We creepy sprite without Princess Peachy or Luigi. But he has super balls. Seriously, that's what they're called. The quality dropped off like some kind of Mario knockoff. It clearly showed, man. Since when did turtles explode, man? Oh, Brent, come on. Aren't you a little bit nostalgic for this thing? Remember when it came out? Way back in the day, all you had were three-frame LCD games. Our journeys had a lack of all but travel Scrabble packs. Yes, NES looked best, but to put this one next game in context, it was a milestone year. Handheld gaming started here. The point I'm framing is that the state of portable gaming was still just larval. This was a technical marvel. Yeah, Dave, so was the cotton gin, but I wouldn't take it with me in the car. Well, that doesn't make any sense. Neither does this game. Maybe, but Brent, flying heads. That displays a great imagination. This game came, I presume, from an all-too-magic mushroom. The gameplay was lame. Hey! Look, I know how Mario should go, oh, bro. This black sheep's really bad. You'll learn one day. Oh, thanks, Dad. But how my heart skips for 8 bits on holiday car trips. Feelings are woken. Dave, buddy, what are you smoking? And can I have some? Love! I'm smoking love! I just think this game has earned a place on the shelf with the good Mario games, which is all of them, except Sunshine, obviously. Are you kidding? Sunshine's like the best one! What? You're a wazzock. What? You're a pillock! Come again? You're a git. Say what now? Oh, you're a son of a taint? Now you're talking. Key change, mofo. You got it. Here we go. Flawed, maybe so. Sure, it sucked a tad, but it's all we had. It's got its charms and such. All right, maybe this much. The look was lame. Aye, it brought Mario to the Game Boy. Such a trendsetter. Either way, the sequel was better. Super Mario Land. Was great! Bonjour, je m'appelle Isaac. J'aime beaucoup Maximal Sumo. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec cette nouveauté de M. Brent Oldfloss, Super Mario Land with Lyrics, avec une collaboration de M. Dave Ballmer. Et on continue en nouvelle ludique pour terminer cette émission. Et on vous parle de Battlefield Bad Company adapté à la télévision sur la Fox. Et oui, nouvelle qui est sortie cette semaine sur plusieurs sites. Là, moi, je vais vous citer jeuxvideo.com. C'est chez Deadline qu'on peut apprendre la nouvelle. La Fox diffusera un téléfilm d'une heure, finalement inspiré par le premier Battlefield Bad Company. Titre qui s'est fait remarquer par son humour, on s'en rappellera, et ses situations burlesques. Mais bon, pas burlesques dans le même sens qu'on peut entendre parfois. Ça va être adapté finalement en show télévisé, prévu sur la Fox. Ça va pas suivre l'histoire du jeu finalement, mais de quatre anciens militaires qui vont être un peu backstabés par un de leurs anciens commandants, puis ils vont essayer d'éliminer, et ça va tourner autour de cette histoire là. Ça devrait conserver, d'après ce qu'on nous dit, l'aspect comédie de ce jeu-là. L'écriture a été confiée à John Eisendrath, celui qui est un producteur exécutif de la série Alias, donc Alias en français, et de quelques épisodes donc de la même série. Mais on, comme dit le site jeuxvideo.com, on va essayer d'oublier qu'il a aussi écrit pour la série Beverly Hills. On va voir, puis j'avais même entendu parler qu'il y avait les studios de... les studios Happy Madison, donc de, je me rappelle jamais de son nom. Celui qui... Ouais, non. Je me rappelle pas du nom de l'acteur. Celui qui faisait dans Happy Gilmore et... je l'ai sur le bout de la langue, mais bref, il y aurait... Lui, là. Adam Sandler. Qui participerait à ce projet-là. Bref, juste une heure. Je suis comme semi-déçu. Ça, je trouve ça intéressant dans un sens, mais on sait tout le temps qu'est-ce que ça donne, les adaptations de jeux vidéo, là. Donc, juste une heure sur la Fox avec ce gang-là. Pas sûr. Autre nouvelle rapide, Call of Duty Modern Warfare 2 a retiré une carte pour des motifs religieux. Et oui, la carte Favela de Call of Duty Modern Warfare 2 a été retirée du multijoueur après que des joueurs de confession musulmane se soient sentis offensés par un tableau accroché dans une salle de bain. À quelque part dans la map, là. Sur le cadre du tableau en question, placé au-dessus des toilettes, on pouvait lire en arabe « Allah est beau et il aime la beauté ». Ils ont reçu des plaintes, puis finalement, mais ils ont retiré ça et ils disent, et je cite, « Nous présentons nos excuses à tous ceux que cette image a offensé. Soyez assurés que nous étions pas au courant de ce problème et que nous n'avons jamais souhaité blesser qui que ce soit. » Bref, une carte qui a été retirée, ils vont sûrement la ramener après avoir fait une modification à cette carte-là. Écoutez, je suis comme assez... Habituellement, ça me mettrait hors de mes gonds qu'on fasse ça, mais en même temps, il n'y a personne qui a menacé de lancer une fatwa contre les dirigeants d'Infinity Ward. Il n'y a personne qui a menacé personne. Il y a eu des plaintes, puis ils ont acquiescé. Je trouve ça bizarre, pareil, mais bon. Une petite nouvelle comme ça en passant pour les amateurs de Call of Duty. Genre, c'était pas une caricature, parce que là... Ah ben là, on serait même nous, on serait pas là, on aurait été lynché. Andrew, autre nouvelle. Oui, la nouvelle que je vais vous parler est classée 18 ans et ouais, plus. On s'excuse. Parlé. Des scènes de nudité. Oui, c'est ça. En fait, Régis, fils aimé, nous a peut-être mal entendu. T'sais, ça fait longtemps qu'on crie la Wii U. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il a peut-être pris ça un petit peu tôt au sens propre du terme. En fait, c'est une petite chronique vidéo, un petit show vidéo que Nintendo fait en ligne qui s'appelle Iwata Ask. Là, on parlait hors d'onde à savoir c'était qui ce fameux Iwata-là. Tu penses que c'est un président? Moi, il me semble que c'est le président japonais. C'est un directeur exécutif. Bref, c'est quelqu'un d'important. C'est un gros nom chez Nintendo parce que j'ai déjà vu ce nom-là passer, mais je me rappelle plus Ziggy. En fait, lors de la dernière capsule vidéo, a montré des vidéos nues de la Wii U. Et oui, la Wii U a mise à nu devant nous, mesdames et messieurs. On a eu les images. À un moment, j'ai été choqué. Si vous voulez avoir une belle photo... J'ai demandé que les images soient retirées de l'Internet. J'étais offensé. Exactement. Si vous voulez avoir une belle photo de carte mère... Sur une note plus sérieuse, en fait, c'est ça. Il y a une question qui a été posée. Qu'est-ce qu'il y a dans la machine? Puis nous autres, ils l'ont ouverte, ils l'ont mis là, puis ils ont fait, ben, c'est ça. Les photos sont pas assez de bonne qualité puis assez rapprochées pour qu'on voit vraiment les composantes, ce qui est inscrit sur les composantes. Mais, c'est ça. Bref, vous avez le processeur. La seule chose qu'il y a du monde qui a réussi à analyser, c'est que le processeur de la Wii U incorpore de la nouvelle infrastructure d'Intel. Fait qu'on doit comprendre que c'est du Intel qu'il y a dedans. Parce qu'Intel travaille sur un nouveau format de processeur qui intégrerait le processeur graphique à même le processeur. OK. Donc, d'après les images, on voit que le processeur a le processeur graphique intégré à même. Donc, on en conclurait que c'est la nouvelle plateforme Intel, à moins qu'AMD élabore secrètement la même infrastructure, parce que Nintendo a toujours été proche de AMD dans les consoles passées. Sinon, motherboard bien standard, on voit rien vraiment de particulier. Le Insync, tu sais, dans le fond, le répartiteur de chaleur métallique est plus gros que la Wii, puis les fans sont plus épais. Écoutez, on leur a demandé ce qu'il y avait dedans. Ils nous l'ont montré. À ce stade, ça serait le fun qu'ils l'expliquent. Merci. On n'a toujours pas de spécifications et Ça a de l'air qu'on va oublier ça jusqu'à temps que la console sorte. Effectivement, mais merci pour cette nouvelle, Andrew. Autre nouvelle, rapidement, le studio de Hideo Kojima a un autre Metal Gear qui s'en vient. Vous vous rappelez que Metal Gear Online a été un échec en dehors du Japon. Tellement que j'ai aucune idée qu'il y avait un Metal Gear Online. Ah, c'est pour vous dire. En fait, ça a été bien accueilli au Japon, sauf qu'ici, en tout cas dans le reste du monde, ça... Les serveurs ont été fermés en juin, ça a juste pas marché. Mais là, le créateur Nibon a récemment réouvert un studio à Los Angeles et a déclaré à l'Eurogamer Expo que son équipe planchait actuellement sur un nouveau titre online. Et que là, son objectif, c'était de gagner le marché européen et américain avec ce nouveau jeu-là. Donc, il n'y a pas de détails. Là. C'est une déclaration qu'Hideo Kojima a fait sur un prochain jeu online de Metal Gear Solid, nous-mêmes que nous étions pas au courant que ça avait existé. Donc, on va souhaiter bonne chance à cette franchise-là online. Je sais pas ce que ça peut donner, là, mais bon. Faudrait appeler un de nos nombreux amis japonais là, qui pourrait nous dire à quoi ça ressemble. Autre nouvelle rapide, M. Castigan? Oui, en fait, Blizzard doit commencer à avoir peur pour leur bébé World of Warcraft. Parce qu'on avait déjà parlé dans le passé de la venue du MMORPG Phantasy Star Online 2 en Amérique du Nord et en Europe. Et il y a une nouvelle qui est sortie comme de quoi qu'au Japon, le jeu qui est sorti déjà depuis un moment a franchi le million. Un million? Un million de joueurs. Pour uniquement le Japon, oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que ça, c'est le chiffre Japon. Mais les Japonais, je sais pas, c'est-tu tant des gros joueurs de MMO, les Japonais? Pas tant, c'est les Coréens. C'est les Coréens qui sont des gros joueurs de MMO. Et Phantasy Star Online a franchi le million au Japon avec leur jeu. Puis le jeu, il commence à sortir en Asie parce que il était vraiment... Ces gars l'avaient sorti très local. Un moment donné, j'avais lu un article justement qui expliquait parce que le monde, il disait « Ah, ces gars, ils ont pas confiance en leurs produits, fait qu'ils l'ont comme Bethesda au Japon. » En fait, ces gars, ils ont répondu « On n'est pas cave, on teste nos serveurs. » T'es dans le principe, on le déploie au Japon, on attend que ça se calme au Japon, on va le déployer en Asie, parce que là, il commence à sortir le jeu en Asie, genre Corée, puis tout ça. Après ça, il y a l'Europe, puis nous autres, on va passer en dernier. J'ai peur que le jeu, finalement, quand il va être déployé ailleurs, il va être déjà rendu trop vieillot. À moins qu'il fasse des retouches, des patchs de graphique. Europe, ils l'attendent pour fin 2012, début 2013, puis nous autres, je pense que c'est mars. Fait que tu sais, c'est pas si long que ça, là. C'est juste parce que dans le fond, il y a juste les serveurs au fur et à mesure. Le jeu est sorti au Japon en début d'année. Fait qu'il va avoir à peu près un an quand il va arriver ici. Puis si on pense à ça, Terra Online, c'est à peu près le même principe quand il est arrivé ici. Fait que le jeu il était quand même très beau, là. Il a pas marché, mais il était très beau. Bon, mais écoute, on va souhaiter bonne chance à ces gars. Donc, merci Andrew de cette nouvelle. Et autre nouvelle, le site GOG, j'en ai déjà parlé, le site s'appelle Good Old Games, mais on l'appelle GOG, G-O-G. Donc, va lancer son payer ce que vous voulez. En fait, j'en avais parlé parce que c'est eux, entre autres, en ligne qui distribuaient, il y a Steam qui le fait aussi, mais ils distribuaient le jeu Witcher 2 Assassins of Kings. Excellent jeu, je le répète, très bon RPG. Et c'est un site qui garantit ces jeux vendus sans DRM, donc sans contrôle auto, sans protection là de pour pouvoir comment je pourrais dire ça? J'ai toujours de la misère. Limiter le nombre d'installations. C'est ça, des trucs du genre l'identification à pu finir le jeu à chaque fois qu'on part. Donc, Bizarre sont bien bons là-dessus. C'est ça, donc eux autres ils garantissent des jeux sans DRM. Et en plus, c'est ça, ils vont aussi lancer, c'est ça, leur payer ce que vous voulez, qui est un peu un principe qui est assez cher là, à la scène indépendante. Il y a le Humble Indie Pack qui sort souvent, là, qu'on entend parler. Mais c'est un peu le même principe. Mais là, c'est avec la saga Divinity qui vont inaugurer ce concept-là. Vous allez pouvoir proposer de payer ce que vous voulez pour acquérir le premier jeu. Si vous versez plus que la moyenne des paiements, qui est à peu près 10,66$, vous allez pouvoir aller vous chercher Beyond Divinity. Et en versant quasiment à 20$ et plus, vous allez vous chercher la version numérique de Divinity 2 et un Developer's Cut accompagné de bonus. Donc, un petit... moi, j'aime bien ce site-là. Je trouve que, justement, là, vendre des jeux sans DRM, c'est le bien. On aime ça beaucoup. Alors, allez les encourager si ça vous intéresse là, de participer à leur concept, de payer ce que vous voulez pour aller vous chercher cette saga-là. Puis, évidemment, ça ouvre le bal. Donc, ça inaugure, justement, pour avoir d'autres jeux qui vont se vendre sur cette plateforme-là sans DRM. Alors, M. Castegan, dernières nouvelles rapides avant la fin de l'émission. Oui, très rapide. Juste pour vous avertir que Sony va lancer la nouvelle version du PlayStation Store le 17 octobre. Donc, vous préparez à avoir une mise à jour. Donc, refonte complète du PlayStation Store pour le rendre plus intuitif et facile à comprendre et améliorer le moteur de recherche. Ah, ça, ce ne sera pas un luxe. Donc, je vous dirais, risque d'être très intéressant. Je vois les images, je vous dirais que c'est très inspiré du PlayStation Store, de la PS Vita, que moi, personnellement, je trouve très intense. Belle interface, ça travaille bien. Donc, je vous dirais, très intéressant. Sinon, site qu'on parle beaucoup, Kickstarter, site permettant à faire des projets, le monde permettre de mettre $1, pledger, avoir des prix, tout ça, qui était exclusif aux États-Unis. Il fallait être résident des États-Unis pour pouvoir l'utiliser. Ont commencé leur projet d'expansion. Donc, ils commencent par le territoire européen avec le Royaume-Uni, parce qu'il y avait beaucoup de compagnies au Royaume-Uni de jeux qui faisaient partir des projets, puis ils pouvaient pas. Donc, ils commencent par là, et si c'est un succès, ils prévoient continuer l'expansion ailleurs dans le monde. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Excellent. Merci, Andrew, pour ces nouvelles en rafale, et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Je voudrais remercier Mme Chantal Campagna, qui était là au début de l'émission pour nous parler jeux de plateau, jeux de société, et avec son spécial Essen, donc Essen, qui est ville en Allemagne, où elle va se rendre pour une expo au jeu. Elle va nous revenir pour sa prochaine chronique, pour nous faire un feedback, pour nous parler des jeux qu'elle nous a déjà parlé par rapport à son gameplay qu'elle a avoir testé. Je remercie M. Andrew Castegan qui est allé à la console et à la chronique. Merci Andrew d'être là chaque semaine. Toujours un plaisir. Merci. Et mon nom, moi, c'est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux et rejeux et vous passer de l'excellente musique dans vos oreilles. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet www.puissancemaximale.com. Allez sur Facebook, allez nous aimer parce que nous, on vous aime. Le CKIAFM.org également peut aller vous chercher des informations sur la carte de membre pour encourager CKIA, sur les shows bénéfices qui s'en viennent à la Ninkasi et à l'Agité Bar Co-op ici à Québec. Et il y a aussi un CD de musique progressive en vente avec des groupes comme Red Sand, The Project, Mystery, The Box, La Théorie des Cordes et de l'Angleterre également, Arena, Legion, plein d'autres groupes comme ça. Allez sur le CKIAFM.org pour vous renseigner, pour aller acheter cet excellent CD qui est en vente pour aider CKIA à se financer et à finalement à vous amener des émissions différentes comme Puissance Maximale dans vos oreilles. Et je termine l'émission en vous souhaitant, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu. Warlock jokes. We're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Till the day we one, two, three, four, die!